7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. La bandia, la planète, c'est mieux si j'allume le micro. J'espère que vous allez bien, bandia, la planète et la familia. Ah ouais, on a un peu mal à la gorge hier, moi j'ai crié, ah ouais. Quel match à rebondissement hier. Mais alors quel match. Et 2-0, au début je me suis dit, bon ça y est c'est fini, hein, franchement. Et comme beaucoup de Français je crois d'ailleurs, on s'est dit, bah là, à mon avis la Coupe du Monde, hein, on va pas la ramener à la maison. Et puis après, eh ben, ils se sont réveillés, c'est le quoi dire chez moi. Et à mon avis, ils leur ont mis un petit remontant là. Ça leur a fait du bien. En tout cas, quel match hier. Hein. Vous en avez pensé quoi? Vous pouvez m'appeler ce matin. 02-38-43-48-00. Ouais, plein d'émotions ce match. Rebondissement. Arnaud qui sera notre invité, spécialiste du football, là, il va nous en parler mieux que moi. En tout cas, il était déchaîné hier, Arnaud, sur les réseaux sociaux. Ça je l'ai vu, c'était énorme. Vous m'appelez 02-38-43-48-00. Et puis il sera aussi notre invité aussi, ça c'est énorme. C'est la deuxième fois qu'il vient à la radio. Il va faire le Paris-Dakar. Enfin c'est plus Paris-Dakar maintenant, c'est le Dakar. Parce qu'il n'y a plus de Paris-Dakar. C'est Dakar. Il va partir au mois de janvier. Jean-Luc sera notre invité, pilote du Dakar. C'est énorme aussi. Il a accepté notre invitation. Ça me fait plaisir de le recevoir sur l'arc-en-ciel. Alors on va parler football, on va parler Dakar, on va parler aussi de plein de choses, de musique aussi, un peu de musique quand même. Et ben appelez-moi. Tiens, 02-38-43-48-00, vous me dites ce que vous avez pensé du match hier. J'attends vos appels. 02-38-43-48-00. Bon courage pour ceux qui tapent, qui sont pas en vacances. Parce qu'il y en a qui sont pas en vacances. Bah, comme nous, par exemple. Hein. Rentrer la coupe à la maison. Bah non, pas encore. En tout cas, ils sont rentrés. Ils vont rentrer à 16h aujourd'hui. Ils vont atterrir à Charles de Gaulle. Voilà, c'est ce que je regarde sur les messages. Charles de Gaulle, 16h, l'avion. On va atterrir. Et puis Manu, il sera pas là, Macron. Il sera sur le porte-avions. Bah ouais, Clémenceau. Une belle reprise que j'adore. Voici la belle Julie. Puisque ton cœur ne brûle plus comme autrefois, même si l'amour, je crois, ne se dit pas. Et puisqu'il faut parler, alors écoute-moi. Je n'ai que mon âme. Soleil dès 7h avec Francky. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille.

16.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. La météo. Eh bien, les bonnes nouvelles quand même. Après la défaite de l'équipe de France, la mauvaise nouvelle hier, la bonne nouvelle pour la météo. Le ciel se radoucit et ça fait du bien. 5-7 degrés ce matin. Et on va frôler quand même les 11 degrés. Et vendredi, on va atteindre les quand même, je regarde, hein, 14 degrés. Pas mal. Eh ouais. Enfin, un peu de radoucissement. Parce que là, ce week-end, on s'est pelé. Hein, franchement, ça caillait. Hein, ouais. Les gens sont moins sortis. Les gens ont, on pourra plus faire la fête hier parce que la France ont perdu. Hein, c'est dommage. On aurait pu se coucher très tard. Mais on s'est couché tôt du coup. Heureux d'être avec vous. 7h23 minutes. Arnaud qui sera notre invité, spécialiste du football. Ah, il a suivi la Coupe du Monde avec émotion, avec des belles vidéos, avec plein de choses. On l'attend dans quelques minutes. Mais il arrive justement, juste avant, c'est Jonathan sur Renap. C'est une belle journée. Bon réveil. Dis-moi qu'au-delà de ça, il y a d'autres raisons qui te rendent. Radio Soleil, dès 7h, avec Francky. C'était un phénomène. Elle n'était pas humaine. Le genre de femme qui change le plus grand délinquant en une semaine. Une beauté sans pareil. Tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle aimait nos bateaux. Hypnotisée, on pouvait tout donner. Elle n'avait qu'à demander. Puis aussitôt on démarrait. On cherchait à impressionner. À devenir son préféré sans savoir qu'elle aimait nos bateaux. Sur Radio Française avec Gims, belle, belle journée. Arnaud qui est arrivé, s'installe tranquille, on va parler football dans quelques minutes. Bah ouais, l'équipe de France hier, ah là là, on était à fond. Ils ont mal joué au début, faut être honnête. Mais après, réveillage total, on va dire. Heureux d'être avec vous. On aura aussi un invité d'honneur à 8h. Il va faire le Dakar, c'est Jean-Luc. Vous allez voir, un grand pilote. Il sera dans le studio. Accordo ben cedo, o elétrico está a chegar. Castanha já paira no ar. Tudo bem, a calçada está gasta, mas sem rancor. Porque por lá vou passar tantas histórias de amor. A minha Lisboa está cada vez mais bela. E a Dona Maria cantar à janela. E em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela. E a Dona Maria com um lenço à janela. E em cada partida sinto amor e alegria por saber que vou voltar à minha Lisboa. Olhando para o Tejo eu vejo a noite cair. E em Alfama o fado já se faz ouvir. Lisboa, menina bonita, por ti eu me apaixonei. E olhando o castelo para ti tantas vezes cantei. A minha Lisboa está cada vez mais bela. Je t'emmène, je vous emmène au bout du monde ce matin. On aurait bien voulu emmener avec la Coupe du Monde. On aurait bien voulu l'avoir ici dans les studios avec nous. On va en parler avec Arnaud qui vient d'arriver dans les studios. Arnaud Fermin, spécialiste, puis grand sportif, grand supporter. Il est à fond. On a encore vu hier. En tout cas, c'est notre invité dans moins de 3 minutes. Voici une belle reprise de Jean-Jacques Goldman. On adore, il s'appelle Manuel Stresser. Et vous allez voir, cette voix, elle est terrible. Puisque tu pars. c'était hier, ira mieux battre ton cœur. Et puisque nous t'aimons trop pour te retenir, puisque tu Quel slow, quelle belle reprise de Jean-Jacques Goldman, et on l'adore, Manuel Stresseur. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. L'invité du jour, les invités, parce qu'il y a aussi mon ami Jean-Luc qui est arrivé dans les studios de la radio. Je le prends un peu comme ça, vite fait, parce qu'il vient juste, il a failli se casser la gueule. C'est vrai que la chaîne en bas, elle est mortelle cette chaîne. Bonjour Arnaud Fermin qui vient d'arriver aussi dans les studios. Ça va Arnaud? Salut Francky, salut tout le monde. Ça va bien? Ouais. Grand supporter de l'équipe de France. C'est ça, j'ai mis la veste magique, la veste authentique, ouais, des années 90. Alors, toi, je te suis sur Facebook depuis depuis un mois. C'est la folie, le mec. Attention, il y a. Et hier, je croyais que t'allais péter la gueule à je sais pas qui hier. Ah, mais hier, j'étais en furie totale. Ouais, t'étais en furie. Déjà, à la mi-temps, coup de gueule, parce que bon, les conneries qu'on t'a fait pendant la période. Koundé au marquage, il marquage à la culotte. Tu laisses pas le mec derrière à un boulevard, là. C'est... Ça m'a fait rire parce que j'ai l'impression que t'étais le coach de l'équipe de France hier. C'est ça, et peut-être que le coup de gueule. Ça a donné. On aurait cru que t'étais dans les vestiaires avec les joueurs et t'étais en train de leur passer un coup de gueule. Un petit savon, ouais. Jean-Luc qui est là aussi. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Francky. Bonjour à tous les gens matinaux de ce matin. Qui se lèvent, qui n'ont pas fait la fête hier. T'as suivi le club, toi sportif Jean-Luc. Ah oui, j'ai suivi ça. Et ça m'a réconcilié avec le foot parce que. T'étais en guerre. Non, je n'étais pas en guerre, mais. T'as pas croisé Bruno Germain quelque part à Orléans, non ? Non, parce que je suis occupé en ce moment. Il y a tous les imprévus qui tombent au dernier moment. Et justement, hier, je voulais travailler un petit peu, et puis je me suis mis devant la télé, et puis je suis pas arrêté de regarder le match. Match à rebondissement hier. Bah oui, au moins, il n'y avait pas le bus devant, au moins, on a vu des buts. Des fois, tu vas voir des matchs de foot, il fait moins 2 et il n'y a pas de but. Tu rentres, t'as les boules. Arnaud, alors. Hier, on a revu un France-Allemagne de 82. Voilà, il y a eu France-Allemagne en France-RF en 82 à Séville, la nuit noire de Séville, à l'époque des Hidalgo, Platini, enfin bon voilà, t'as connu cette époque, Francky. Moi j'avais des couches au cul à l'époque. J'avais 12 ans. T'es tout bébé. J'avais 12-13 ans, mais je regardais. C'était des matchs intenses. Lui il avait déjà 30 ans. On était déjà, parce que là t'avais déjà, moi je suis tombé de Dakar et fini, ils me remettent à l'EHPAD. Ah ouais, c'est ça. Oui, hein. Non, mais et puis 40 ans plus tard, voilà, France-Argentine. Hier, point de tête, moi j'étais devant le match et puis à un moment, je suivais sans suivre, tu vois, parce que je me dis 2-0, attends, on va pas claquer 3 buts. Il restait 10 minutes à jouer, je vois, 11 minutes. Je dis, on va pas claquer deux buts pour égaliser. Le dernier quart d'heure. Je me suis dit, là, c'est. Si t'as bien regardé cette Coupe du Monde, Francky, regarde le quart de finale contre les Pays-Bas. Ouais. Le mec, il sort Memphis Depay, Van Gaal sort Depay, et puis derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Deux buts partout. Ouais. Et après, ça s'est joué au tir au but. C'est le même cas de figure. Ouais. Mais là, c'est encore plus fou hier. C'était la folie furieuse. J'ai un coup de gueule à pousser. J'ai vu une photo là. Je l'ai vu en direct aussi. C'est le gardien. Cette fameuse photo. Il prend son trophée là, le gardien. La position. Le gant d'or. Il prend ça. On voit l'émir à côté. Je sais pas si tu vois la tête qu'il a, l'émir. J'ai vu ça ce matin. D'un regard noir. C'est pas. Jean-Luc, c'est pas terrible pour un mec qui change du monde. C'est pas terrible. Non, mais tu fais ça dans le football à Olivet là. Olivet ou à Jouy le Potier. Ça va. Tu fais ça avec des potes. On se marre. Mais là, il y a des millions de milliards de spectateurs qui trouvent. Mais surtout des gamins, les footballeurs, c'est des exemples pour les gamins. Quand tu vois ça, t'es bon, regarde. Ça, à mon avis, ça va faire le tour de la presse. Ah non, mais c'est grave. Moi, j'enlèverais son grand d'or. Je le donnerais à Bounou, le gardien marocain, qui a fait un super tournoi. Ouais. C'est dommage, c'est que c'est quand même lui qui permet à l'Argentine de gagner. Ouais, parce qu'il sauve le but à la fin. Sinon, sur Colomouani. S'il n'a pas la jambe qui traîne, là, c'est mort. Et puis il arrête les pénalties. C'est vrai que Lloris, je sais pas moi. On n'est pas fort. En pénalty, l'équipe de France, non, ça n'a jamais été ça. Voilà. On l'a vu en 2006, on l'a vu en 82. Sur les arrêts. Voilà. Sur les arrêts, il y a un arrêt hier, là. Waouh. Sur la frappe de Messi, plein axe, il est super. Et ce qui est dommage, là, c'est il arrête, là, le deuxième but, il l'arrête, le premier tir, et après, il y a le. Ah oui, le après, qui est sur le. Il aurait dû être plus avancé, le Messi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en off, ouais, c'est clair. Mais après, on voit pas les choses comme en réel. Bah, nous, on est dans notre fauteuil, et tu sais autrement. Ouais, je pense que le joueur, il doit être dans l'élan, tu sais, puis le temps qu'il revienne, et ben, il a essayé de le sauver. D'accord avec notre ami parce que moi j'ai trouvé que l'arbitre avait été bon. Alors sur internet il s'est chopé un 3,5/10. Je discutais hier avec c'est sur internet. Non mais c'est sur internet, mais moi je cause avec des passionnés aussi avec des. Je discute pas non plus avec n'importe qui parce que chacun, c'est vrai qu'en France on est 68 millions de sélectionneurs. On est 68 millions de sélectionneurs, chacun y va de sa sauce, chacun. Mais l'arbitre, non. Déjà, on ne met pas un arbitre polonais, sachant que les Français ont sorti la Pologne en 8e. Les Argentins ont battu les Polonais au premier tour. Il fallait mettre quelqu'un de neutre, d'un autre continent, un Asiatique, un Africain, un Australien. Mais tu mets pas un Sud-Américain ou un Européen, c'est du n'importe quoi. Il y a des petits trucs, des petits arrangements, voilà, on veut nous faire croire. Messi qui gagne la Coupe du Monde par un but, par une déviation, on sait tous on connaît tous le talent de Messi. Ses trophées, les a pas volés. Mis à part deux ballons d'or de trop qu'il a, il faut en avoir 5, il y en a 2 en 2010, c'est pas ça, et puis le dernier qui lui a été donné. Messi, c'est un très grand joueur. Par contre, le mettre au statut de Maradona, non. Je suis d'accord avec Dominique Grimaud hier soir qui disait que non, d'un côté on a Dieu, en Argentine c'est un Dieu Maradona. Mais Messi, c'est comme le fils de Dieu, voilà. Ah ouais. C'est un peu son successeur, son héritier, mais il n'est pas au stade de Maradona. T'en penses quoi, Jean-Luc, Maradona, toi, fan à l'époque? Non, moi, ce que je suis content pour l'Argentine parce que c'est un peuple qui galère en ce moment. Qui galère, mmh. qui Et puis Messi, c'est ce qui manquait, donc voilà, ça va nous 36 ans qu'ils ça, ça va nous le remettre en forme pour le PSG, pour Neymar qui va arriver. Après, il y a toujours du positif dans les situations. L'équipe de France, bon, on revient sur l'équipe de France, ils ont battu des records en interne. Giroud, meilleur buteur de l'histoire des Bleus, Griezmann, meilleur passeur, Lloris, le plus capé, Mbappé qui est meilleur buteur, c'est bon pour l'avenir. Il y a des bonnes choses par la suite. C'est, voilà, c'est pas comme 2006 où c'était la fin d'un cycle où là ça s'est écroulé après Zidane. Ce qui s'est passé en 2006. Là, il y a quelque chose derrière. Il y a de l'avenir. Si vous n'êtes pas d'accord tous les deux, vous pouvez le dire. Hein, oui, mais c'est bien. C'est justement, c'est ce qui fait les débats. C'est ce qui. On va pas faire une baston ce matin, mais. Non, moi j'ai failli casser le poignet déjà en arrivant, donc je vais encore pas me. Je vais dire à la radio, là, il faut me virer la chaîne qui est en bas. Ah bah oui. Qui sert à rien parce qu'en bas il fait nuit. Bah oui, vous êtes une. Ça c'est bien que après, t'as vu? Non, avant. Ouais, la lumière, c'est la petite cellule. Après que tu t'es cassé la gueule. Voilà. Mais la chaîne, et tu sais qu'à moi un matin, j'ai failli me la prendre. Et tu vois. Et pourtant, je sais qu'elle est là. Je vais sauver. Et moi, je savais pas. Voilà. Donc accident. Bon, je suis pas tombé, mais. Et en plus, il fait. En plus, je vous annonce qu'il va faire le Dakar, le mec. Voilà. Donc, imagine, il se casse la gueule là. Je me blesse avant de partir à cause de Francky. Oh la pub. Là, j'ai des bons avocats, moi. Ah putain, moi aussi, j'en ai un bon. On les emmerde. Je le salue, c'est Maître Lavis. Bah, tu le connais, non? Ah bah oui, je sais, il m'avait... Je bois des petits cafés avec lui, des fois. Je le salue au passage, mon avocat, Maître Lavis. Et on va parler de sport ce matin, de sport, football, et puis on va parler du Dakar dans quelques minutes avec toi, Jean-Luc. Ben... Merci d'avoir accepté cette invitation après quelques années. La dernière fois, c'est il y a au moins 2-3 ans que t'es pas venu, là. Non, c'était en 2020, ans. Oh, bah, ouais. Avant le Covid. J'ai attrapé le Covid, là-haut. Ah, toi aussi. En rentrant. En tout cas, c'est ce qu'on disait aussi pour l'Argentine, c'est bien pour le pays parce qu'ils ont. Ils galèrent. Oui, ça fait 36 ans qu'ils l'ont pas gagné. Moi, je suis content pour l'entraîneur. Ça redynamise un peu les choses. On parle de Messi, mais il faut saluer quand même Lionel Scaloni, l'entraîneur, le sélectionneur, qui fait un travail énorme. Et ça, mais les journalistes, faut qu'ils arrêtent leurs conneries, leurs polémiques. Ils informent pas, c'est de la désinformation totale, c'est se foutre de la gueule du monde. Et Scaloni, qui a été champion du monde avec les moins de 20 ans, en Malaisie en 97, à l'époque où Thierry Henry, Nicolas Anelka était eux-mêmes en équipe de France, il avait été éliminé par l'Uruguay qui perdra en finale face à ces mêmes Argentins. Il y avait Cambiaso, il y a une belle génération. Et là, Scaloni, qui confirme avec déjà une Copa América, ça n'en parle pas. La finalissima, c'est-à-dire le champion sud-américain contre le champion européen, l'Italie, la Squadra. Donc là, bon, il gagne la Coupe. Bravo Scaloni. Moi, c'est coup de cœur pour Scaloni quand même. Hein. Ouais, c'est un entraîneur qui est jeune, qui a 44-45 ans, Il a 44 balles. Hein. Je trouvais plus vieux, moi. Ouais, non, mais franchement, chapeau à lui, c'est un collectif. Hein. Messi, c'est une individualité, ok, c'est Messi, voilà. Quand il a le ballon, tu sais jamais ce qui va se passer. Il y a un truc, c'est ça. C'est un Messi, il est envoyé par Dieu, c'est pour ça. Mais en tout cas, bravo à l'équipe de France qui nous a fait vibrer et qu'il y a de l'avenir pour la suite. Ouais, juste le début, hein, monotone. Ah, le début, ça a été foireux. Je me faisais chier au début. Non, mais Koundé, tu fais des marquages à la culotte. Dembélé était dépassé, c'est pas le Dembélé qu'on avait au début de la compète qui était vraiment bon. Il a voulu faire piston, aider son partenaire, mais non. Oui, mais c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Les latéraux, c'est pas non plus leur rôle de monter. Pourquoi laisser un boulevard derrière pour Di Maria? Les deux buts viennent de là. Moi, je pense qu'un mec comme Jonathan Clauss aurait fait du bien à ce poste-là. Ouais. Ou même Pavard. Pourquoi il l'a laissé? Il l'a blacklisté, laissé sur le. On sait pas tout. Pavard. On sait pas tout non plus. Puis on sait pas ce qui se passe. Oui. Les petites magouilles, les petits trucs. Il y a tellement de choses dans le foot. Moi, j'ai dit des choses. Ah bon? Ça se saurait s'il y avait dans tous les milieux. En tout cas, Mbappé, il était déçu à la fin. Macron, il a été. Ah ouais, il a beau y faire tout ce qu'il voulait. Il a fait une petite caresse. Il lui a parlé. Il était comme. Non, mais Mbappé, c'est. T'inquiète pas, je te fais un virement. Demain, t'auras un virement pour 400 000. Ça, c'est plutôt Mbappé qui fait un virement à Macron. Non, mais pour l'avenir, c'est bien le bon augure pour la suite. Et je pense que la génération, encore les anciens comme Giroud, Lloris, Griezmann, qui ont été vraiment très très bons, hein, durant l'endurance mondiale, je pense qu'ils peuvent continuer jusqu'au championnat d'Europe. Passer le relais ensuite, bien finir, c'est-à-dire faire l'inverse de 2016-2018. Ouais. Ils ont perdu à l'époque en 2016, ils gagnent en 2018, là ils perdent la Coupe du Monde, et puis gagnent l'Euro, et puis ensuite la continuité. Je sais pas si Deschamps va rester hier, j'ai vu une interview, j'ai un pressentiment qu'il va partir. Il faut qu'il reste. Je sais pas, il faut qu'il reste. Moi derrière perso, j'aime bien Zidane. C'est Zidane. Mais Zidane, je le sens pas. Ah bon? Ah, je le sens pas. Bon manager, mais bon, après s'il continue avec ce que Deschamps a fait, pourquoi pas? C'est ce qu'il a fait avec le Real de Madrid, hein. Il y a eu un management avec le Real de Madrid, il gagne trois Ligues des Champions. Ouais. D'accord. Mais à construire une équipe, est-ce qu'il en est capable? S'il faut repartir sur autre chose, en est-il capable? Moi, j'ai un pressentiment, Jean-Luc, je sais pas ce que t'en penses, je pense que Deschamps, il va arrêter. Oh, s'il avait gagné, peut-être. Ouais. Oui, il partait sur une victoire. Mais il manque un euro. Il manque un euro quand même. Un euro? Moi, je vais lui donner. Attends, je vais l'avoir dans la poche. Non, mais un euro, file-y en deux quand même. je pense qu'en championnat d'Europe, oui, ça peut le faire. Ouais. Ouais, en tout cas, moi, j'ai trouvé aussi que l'équipe de France, on n'est pas les champions du pénalty. On a toujours un peu pêché là-dessus. Puis bon, faut dire ce qu'il y a, les cadres sont sortis en début de match. Les tireurs de pénalty, voilà. Il n'y en avait plus. Il manquait du Rabiot aussi. Rabiot, Varane, tout ça. Donc les cadres étaient sortis. Derrière, tu fais comme tu peux. C'est ça, la psychologie. Moi, il m'a impressionné, c'est Messi quand il tire son pénalty. J'ai l'impression qu'il l'a fait au ralenti à un moment, t'as vu. Et Lloris, il est pas loin de l'arrêter. Au dernier moment. Il faut voir le cul. Même avec le pied, quand il tire plein axe, l'Argentin, avec le pied, c'était... Comment il a tiré le pédalty? Messi, il faut avoir le culot de le... C'est du sang-froid, c'est du culot. On ralentit, hein, l'impression que c'est l'expérience. C'est l'entraînement, là. C'est de l'expérience. Ah ouais, dommage. Les grands joueurs, tu les vois quand c'est... Là, aux grands événements. Aux grands événements. Bah, Zidane avec la Panenka en 2006, j'ai rien contre Lorient et tout ça. Quand Neymar, il met 4 buts contre Lorient... C'est ça. Il n'est pas payé pour ça. Alors Arnaud, la Coupe du Monde, c'est fini. Pour toi, ça va être fini. On va plus te voir sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas fini. Avec non, mais Jean-Luc, je dis ça parce qu'il faut le voir. Attends, il faut. Là, je vois, il n'a pas de notes. Hein. Il dit. Non, il a tout dans la tête. Je suis filmé. Tout dans le disque dur. Tout dans le disque dur. C'est ça, exactement. Il a pendant un mois. À force de lire des bouquins depuis tout petit, s'intéresser à tout ça, la culture générale, pour moi, comme j'ai toujours dit à Francky, c'est intéressant d'avoir des connaissances et puis d'en apprendre aujourd'hui. Jean-Luc, tu nous parles de ta passion, de Paris-Dakar, tout ça, c'est intéressant. Pour l'instant, j'ai encore rien parlé parce qu'on n'arrête pas de parler de foot. Hein. Ah, on va écouter. Non, mais ça me plaît, moi. C'est intéressant d'apprendre des choses, d'échanger. Sport, on peut parler c'est basket, ça, c'est le partage. Il y a longtemps que tu as eu, j'essaye d'avoir Bruno Germain, j'arrive pas à l'avoir. Ah, c'est pas pareil. Tu as réussi à le voir, non? De le voir un petit peu dans une phrase? Non, tu le vois plus. Avant, on le croise au café chez Bébé, au coin. J'ai essayé de l'avoir, je lui ai envoyé 2-3 messages, il m'a pas répondu. Donc peut-être qu'il est parti au Qatar. C'est bizarre. Il est peut-être parti au Qatar. On leur verra Bruno. J'aurais des petites pièces de collègues à lui faire signer. Mais je l'aurai. Alors moi je me dis c'est les fêtes, etc. Je vais pas l'emmerder. Mais je vais l'appeler là. Il va faut attendre, c'est un peu comme le mercato d'hiver, tu vois, faut laisser passer, le temps y est pas. Et puis sur les beaux jours ça va le faire. Il va venir à la rentrée. C'est un super joueur Bruno. C'est un mec qui est sur le terrain, il ratissait, il mouillait le maillot, pas du bling bling et lui il se prenait pas la tête. C'est un bon joueur de poker. Ah c'était un bon joueur. Ah peut-être. Bah moi je le dis, je le vois. Il t'a plumé? Non, jamais joué contre lui. Non, il est sympa Bruno, on le salue au passage. Donc la Coupe du Monde est finie, Arnaud. Petit coup de cafard, ouais. Qu'est-ce qui va se passer maintenant sur les réseaux? Parce que sur les réseaux, pendant un mois, tu as été assez fervent. Je vais continuer, j'ai plein de projets. Hier, à un moment, je me suis dit, c'est le coach, hein. C'est le coach de l'équipe de France hier. Hein. Je me suis dit, je te voyais avec les joueurs dans le vestiaire. Hein. T'as poussé ta gueule entière, hein. Je vais peut-être postuler pour rentrer à l'équipe TF1 des fois les commentaires sont un peu plats, donc si on peut mettre un peu d'ambiance. Lizarazu il faisait un peu la gueule hier, hein, je sais pas. Moi j'ai trouvé un peu. Ouais, bon, bah, c'est mais de toute façon c'est plus les Thierry Gilardi, les Thierry Roland, tout ça. Ah oui, c'est sûr. Ils nous berçaient, c'était enthousiasmant, ils nous entraînaient dans les trucs. Là on s'emmerde quoi. On s'emmerde, c'est le cas de le dire. Heureusement qu'il y a eu des buts. Heureusement, parce que hier, il n'y aurait pas eu de buts. Il nous faut des buts. Hein. Ouais, il nous faut des buts. Bah, c'est ça, le principe du football. Ah oui, c'est le spectacle. C'est si c'est pour voir 0-0, on va faire un petit ping-pong ce matin. On va écouter Amir et puis on va parler du Dakar dans quelques minutes et puis reparler football avec toi, Jean-Luc. On mélangera. On va faire un petit mélange. Dakar. Priorité au Dakar quand même, la Coupe du Monde est passée. On va laisser faire Jean-Luc quand même. On va écouter Amir avec J'ai cherché et puis on va se retrouver avec Dakar dans quelques semaines. C'est le départ, Jean-Luc? Bah, c'est pas dans quelques semaines, c'est dans 8 jours. Et ben, ça fait quelques semaines. Alors. 31 départ. Voilà, 31 prologue. 31 décembre. Bonne année. Voilà. Jean-Luc, qui est notre invité, et puis Arnaud Fermat en direct ce matin, juste après Ami, on va parler du Dakar et le football. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense, j'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi, tu as tué la peur. You're the one. désinvolture, c'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. C'est 9h, Francky dans la radio, Rodolphe avec vous, nos invités qui sont là, et ça me fait plaisir de les recevoir. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Les invités du jour, Arnaud Fermin qui est là, lui on l'adore parce qu'il suit la Coupe du Monde depuis le début, c'est un grand fan de football depuis tout petit. Depuis tout petit, ça me fait plaisir de te retrouver. Bah merci. On avait dit après la Coupe du Monde, tu viendrais faire un petit briefing, parler un peu des matchs. C'est ça exactement. Et puis un ami que j'ai pas vu depuis plus d'un an et demi, avant le Covid, c'est Jean-Luc, il fait le Dakar, la semaine prochaine. 22e Dakar. 22e, bah justement, on va en parler. 22e Dakar. On dit plus Paris-Dakar parce qu'il passe plus par Paris. Non, c'est Dakar, c'est une marque déposée. Ça y est, c'est fini, Paris-Dakar. Pourquoi on a arrêté? Il y a eu trop de problèmes, je crois. Hein. Trop compliqué au niveau de la sécurité, on l'a bien vu. Ouais, il y a eu des attentats, des choses comme ça. Notre ami Philippe Boutron, là, qui s'en remet bien, que j'ai amené au Dakar. Ça va mieux? Il a fait 4 Dakar avec moi. J'étais copilote avec lui. Il était bien. Et oui, ça va mieux. Bon, c'était un attentat et. Et donc, à cause de ça, cette année, on part en avion, on arrive directement à l'étape. Ouais. Il n'y a plus d'autre. Parce que le problème de Dakar, c'est quand tu arrives avec les vérifications techniques, pendant 2-3 jours, tu es dans la ville et toutes les écuries sont dispersées à différents hôtels. Ouais. Donc, tu ne peux pas avoir la sécurité dans tous les hôtels. Ouais. Il y a même eu des kidnappings, j'ai vu, des choses comme ça, en quelque sorte. Ça, c'est pas nouveau. En Afrique, c'était surtout. Ouais, c'est l'Afrique, pour avoir un peu d'argent. En Afrique noire, je parlais, c'était souvent qu'on était. Là où c'est, il y a plus de sécurité parce que il y a, c'est, ils ont le droit de, enfin, il y a plus de gens de sécurité. Ouais. On en voit partout. Tu peux pas faire un pas sans qu'il y ait quelqu'un qui te. Bon, on prépare dans une semaine, un peu plus d'une semaine, c'est le grand départ. Oui, c'est ça. La voiture, c'est quoi? C'est un buggy que t'as, toi, non? C'est les nouveaux buggy SSV, donc on est écolo. Ouais. Parce qu'avant, on avait des véhicules qui consommaient 100 litres au 100 dans les dunes, là, des V8, des gros V8. Les gros V8 dans les dunes, on consommait 100 litres. Alors que là, on consomme que 30 litres. On a des petits SSV 3 cylindres. Et donc, ça fait du 15-20 litres sur la piste. Et dans les dunes, on fait du 20-30 litres. Ouais. Quoi. Et puis, faut savoir quand même, l'année dernière, t'as quand même une voiture, ça aurait dû être la voiture à Peter Hansel qui aurait dû gagner le Dakar, voiture électrique. 100% électrique. Ouais. Et tu trouves du courant où dans le désert? Bon, c'est un petit peu. c'est électrique, sans être électrique. C'est-à-dire qu'ils ont un groupe électrogène. Ah oui, parce que. Et le groupe électrogène, c'est un moteur de A3. Ah oui, d'accord. Donc, qui alimente en permanence les batteries, mais ça marche électrique. Parce que pour trouver une prise de courant dans le désert. C'est surtout le cap qui était compliqué. Ouais, c'est ça. Un cap qui fasse 800 km. C'était des pièges. Toi, ici, t'as des chaînes déjà qui font que 3 mètres. Alors, imagine si t'as des câbles dans tous les sens de 800 km. J'arrête pas d'y repenser depuis tout à l'heure. Je me dis, si c'était pété la gueule devant la radio. Tu peux pas faire le Dakar. La sécurité, bon sang. Ah oui, attends. À la honte. C'est bien l'écologie, tu mets pas de lumière, mais d'un autre côté, on se termine aux urgences. Et en plus, je vais t'expliquer un truc, je sais même pas à quoi sert cette chaîne. C'est pour éviter que les gens se gardent devant la radio, je pense, mais ça sert strictement à rien. Ouais, mais ça évite pas de tomber, par contre. Voilà, par contre, il est tombé, voilà. Donc, je vais le signaler, hein, t'inquiète pas, mon ami. Hein. Moi, je vais envoyer des mails tout de suite, hein. Je perds pas de temps. Ça fait quoi de faire le Dakar pour la 22e fois? Ah, ça fait plaisir, surtout avec les. T'as hésité? Non, c'est que en fin de compte, il y a 2 ans, je suis parti en 2020, je suis parti avec un copain et on avait vraiment, on n'avait pas de budget, on n'avait pas d'assistance, pas de mécano, on était vraiment à la rue. Ouais. Et on a quand même terminé 20e. Ah bien. Et là, j'ai rencontré un ami de mon ami là, qui lui était concurrent, un gars du Nord. Et c'est le hasard. Après, comme moi, sur le Dakar, ils me connaissent en tant que piscinier. Ah, tu fais des piscines, toi, voilà, à la base. Donc, piscinier, tout ça. Et lui, sa belle-mère, au Touquet, avait des problèmes avec sa piscine, et puis il trouvait pas la solution. Donc, il a appelé mon copain, et j'ai été là-haut. Et de fil en aiguille, j'en suis au moins 3-4 piscines à refaire, à solutionner. Ouais. Et aussi, je suis aussi dans le basket, et là, il y a le Portel, qui est un de nos sponsors, c'est le plus gros sponsor du Portel. Ouais. Et qui, du reste, a battu Monaco hier. Vous voyez, comme quoi, dans le sport, il y a quand même des événements. C'est clair. On peut rien prévoir, puisque le dernier a battu le premier, comme à l'OLB. L'OLB, hier, a perdu contre La Rochelle, qui était dernier. Oh mais La Rochelle, qui, comme j'avais dit, ils ont perdu 5 ou 6 matchs, mais que de 2 points. Ouais, ouais. Donc, quand tu perds que de 2 points, ça veut dire que la pièce, elle tourne d'un côté, comme elle peut tomber de l'autre côté. Il y a quelque chose. Ouais. Ça joue à pas grand chose. C'est ça. Voilà, donc c'est comme ça qu'il m'a dit, tiens, on ferait bien ensemble, et on est parti comme ça. Et donc cette année, on a mécano, assistance. Ah, ça va aller mieux alors. C'est pas dit, parce que ça se trouve, on va abandonner quand même. Bon, tu sais, des fois, tu pars avec rien, tu finis, et puis des fois, t'as tout, et puis t'as toujours un petit truc qui t'arrive, parce qu'au Dakar, faut pas tomber en panne, faut pas casser, faut pas se blesser, faut pas se perdre. Il y a l'assistance quand même qui est là. Voilà, oui, Dakar. L'assistance, voilà. Ouais. Parce que bon, si tu tombes en panne vraiment dans le désert, faut essayer de réparer. Voilà, et puis bon, après, il y a des camions d'assistance, mais ça, on ne l'a pas pris encore, c'est un peu trop cher. Ah oui, d'accord, donc vous partez vraiment comme ça. On a une assistance à l'arrivée de l'étape, mais sur le tracé, on n'aura pas d'assistance. Donc si c'est en panne, c'est fini, en gros. Non, parce qu'on connaît du monde quand même. Ah, ça va, il y a un hélicoptère qui va arriver. Non, mais il y en a qui nous reconnaissent. Ah oui. C'est ce qu'on a vu il y a 2 ans. Tu fais des signes. J'avais un copain que j'avais fait sa piscine, qui conduisait un camion. Ouais, et il s'est arrêté. Ouais. Il avait la pièce qu'il nous fallait. Combien de temps il dure le Dakar là? Parce que c'est 15 jours. Comme c'est plus pareil le Dakar. Le départ, c'est le 31. D'où à où alors, aujourd'hui, le Dakar? C'est tout en Arabie Saoudite. Ouais. Ça part de l'ouest en est cette année. Ouais. Et cette année, il y a beaucoup plus de dunes. Parce que ça manquait, c'était à peine assez difficile. Le Dakar, faut qu'il soit compliqué, faut pas que tout le monde termine le Dakar. Ouais. Le Dakar, c'est le rallye où, alors maintenant, à notre époque, des fois c'était un peu compliqué parce que t'as des gens qui mettaient quand même beaucoup d'argent et ils abandonnaient le premier jour. Ah oui. Je me souviens d'un pilote, parce que moi, quand t'es assis à droite, c'est pas toi qui paye, c'est celui qui est à gauche qui paye. Que le pilote. Voilà. Le copilote, regarde. Non, il paye pas. Le copilote, il est là pour le diriger. C'est surtout le pilote qui paye. Et donc, le premier Dakar en Amérique du Sud, en Argentine, on a abandonné au bout de 12 kilomètres. Ah oui, quand même, ouais. J'avais à peine le temps de m'attacher qu'on avait déjà abandonné. On a cassé le moteur. Ça fout les boules, ça, quand même. Bah oui, ça. Parce que tu prépares ça pendant... Voilà, ça fait combien de temps que tu prépares ça, là? Ça fait un an. Voilà, pas pour moi, mais le pilote, il avait préparé ça pendant un an, et puis bon, il n'avait pas pris de bon mécano, et la distribution était mal calée. Et donc, il a abandonné au bout de 10 kilomètres. Ça revient cher, le kilomètre. Ça pardonne pas, là. C'est clair, ouais. Tu suivais un peu, toi, Arnaud, le Paris-Dakar à l'époque? Tout gamin, ouais, je t'en avais pas. Sur France 3, on avait des petites rétrospectives. On passait à Vierzon. Vierzon, hein, aujourd'hui? Ouais, sur la... Non, pas plus maintenant, mais au début, on prenait. Mais il habite à Vierzon? Sur Vierzon, ouais, je viens de Vierzon. Pas si à Vierzon. Tout se passe à Vierzon, maintenant. Ah, quelle belle ville. Il arrive de Vierzon. C'est une ville d'ortoir, maintenant c'est une ville d'ortoir. C'est pour ça que je dis ça. Ah, ouais, ouais. Ah, même, il y a pas les Paris. C'est une ville d'ortoir, maintenant. Avant, c'était un grand carrefour ferroviaire, carrefour routier. Il y avait tout. À Vierzon, c'était Lyon. Maintenant, là, c'est mort. Ouais, Vierzon. Même pour la Coupe du Monde, je défile un petit peu après France-Maroc, là. Bon, ça défile un petit bout, mais c'était pas... Faut aller voir le maire, on va l'appeler le maire. On va l'appeler le maire d'Hierzon. J'ai vu qu'il y avait un sex shop là-haut qui s'était monté. J'ai vu ça. Il faut bien les occuper, il n'y a plus rien. Faut qu'ils fassent des enfants. Ouais. Et alors, un peu d'émotion, là, une semaine, la voiture, comment on arrive à préparer une belle voiture comme ça? Déjà, les buggy, pourquoi un buggy, pourquoi pas, c'est ce qu'on appelle des SSV, c'est des tout petits buggy. Ouais. C'est des 4 roues motrices. Et donc, là, normalement, avec cette voiture-là, il y a 2 ans... On gagne. Non, on gagne pas. Mais on se rapproche quand même, parce qu'on est limité en vitesse. Ah oui, c'est combien? On est limité à 135 km/h. Ah oui. Oui, mais dans le désert, on roule à plus de 135. Ah bah oui, avec les gros V8, par exemple, avec Guillaume Gomez, quand je roulais, on prenait 200-220. Ah ouais. Donc quand on part en tournoi à 220, ça plus vite, on fait plus de tours qu'à 120. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc, t'attends quoi de ça, un bon positionnement ou alors vraiment c'est le plaisir de bon, faire 22e Paris Dakar, enfin pas Dakar. Bah, c'est de le terminer, c'est bien parce qu'à chaque fois que tu termines le Dakar, c'est quand même quelque chose de, ouais. C'est quand même pas mal. Mais bon, l'événement, bah, c'est de faire un bon classement. Après, d'abord au Dakar, si tu t'arrêtes jamais, t'es forcément bien classé au bout. Ouais, c'est si ça. T'as pas de problème mécanique, si tu te perds pas, si t'as pas de soucis. À Dakar, c'est mieux quand t'as rien à raconter quand tu reviens. Ça veut dire que t'es bien classé. C'est vrai, ouais. Mon premier Dakar, j'étais perdu 8 jours dans le Ténéré, hein, en 92. On fait comment? Et à l'époque, on n'avait pas de GPS, on n'avait pas de satellite, on n'avait rien. C'était la boussole? Oui, c'était la boussole à l'époque. Ah, carrément. Ah ouais, t'imagines, toi, la boussole dans le désert. Ouais. C'est une sacrée aventure, quand même, hein. Ah, faut être courageux, hein. Sacré perdu. Tu sais pas à quoi tu tombes, hein. Faut toujours prévoir l'imprévu. Maintenant, c'est plus pareil. Le GPS, il sert beaucoup à la sécurité. C'est-à-dire que maintenant, il y a une sécurité. Pour les dunes, tout ça? Non, pour retrouver les pilotes. Ouais. Parce que moi, quand j'étais perdu pendant 8 jours, ils ne savaient pas où j'étais. Hein, donc, pour te retrouver, c'était pas simple. T'as eu peur? Non, parce que j'étais inconscient à l'époque, j'étais jeune. Donc dans le désert, tout seul, je veux dire. Tu trouvais toujours des Touaregs qui t'emmenaient. J'ai fait, c'est comme si je faisais de l'autostop. Hein. Ouais, par contre, j'étais motard, donc j'avais pas d'affaires d'orchange. J'ai fait 8 jours avec les mêmes affaires. Ah la vache. J'avais rien avec moi. Ah ouais. C'est impressionnant, quand même. Mais bon, maintenant c'est plus de sécurité, mais c'est autant aussi difficile parce que le GPS il nous sert pas, c'est pas comme dans ta voiture, hein, t'as pas une flèche. Hein. GPS, t'as le cap précis, il te donne des informations, mais par contre t'as la flèche qui s'allume à 200 mètres du point où tu dois arriver. Ah donc, ouais, d'accord. Ouais, même c'est... si des fois c'est derrière une dune, des fois tu tournes, t'es à 200 mètres du point et tu le vois pas. C'est quoi le plus dangereux dans le désert? Ben, c'est quoi? C'est les dunes. Oui, c'est des dunes cassées qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est des dunes planquées un peu. Ouais. En fin de compte, dans les dunes, faut arriver pile à la bonne vitesse pour basculer de l'autre côté. Mmh. Alors si t'accélères de trop, tu t'envoles, et si t'accélères pas assez, tu montes pas. Tu tombes dedans. Donc il faut lécher les dunes, c'est-à-dire qu'il faut rouler sur la crête, et après tu vois de l'autre côté. C'est une technique, quoi. C'est pour ça qu'on est, c'est pour ça que les motards, on est très recherchés pour être copilote, parce qu'on arrive à lire le terrain. Et donc là, je pars, mon pilote, c'est un gars qui a fait de la Café 15 Dakar en moto aussi. Ah ouais. Donc, j'aurais pas à le diriger comme j'ai fait avec d'autres pilotes qui étaient néophytes dans tous les domaines qui avaient pas fait de rallye, quoi. Mmh. Où là, t'es deux secondes à pas regarder la piste et le gars te demande, il dit, je vais où, là? tout droit, je t'ai dit, tout droit. Bah, de toute façon, le désert, c'est tout droit. Voilà. Non, mais des fois, tu donnes un cap. Ah oui, Et l'autre, il sait pas dans le nord, il comprend sud. Pas. Voilà. Ouais. Cap 360. Donc, voilà. La piste au cap 360. Mon pilote, j'aurais pas besoin de lui dire. Ouais. Enfin, j'y dirais cap 360 au prochain intersection. Et lui, il verra la piste, il va se caler. Tandis que quand t'es un pilote néophyte, faut que tu fasses tout, quoi. Est-ce que ça devient pas un peu embêtant, le désert? Parce que quand tu roules, y a rien, pendant des kilomètres. Non, c'est mieux parce que là, en Argentine, en Amérique du Sud, c'était moins les déserts qu'on a maintenant, quoi. Mmh. C'était à une époque où c'était plus du WRC. Il n'y avait pas de dunes comme il y a maintenant. Maintenant, en Arabie Saoudite, là, on va aller dans des dunes. Je vais te montrer des photos. Ouais. Il n'y a rien. C'est que des dunes qui suivent. Et là, les trois derniers jours, ça va être que des dunes très difficiles à franchir. Ça peut être dangereux une dune quand même. Oui. Très dangereux. On a vu malheureusement Balawan, l'hélicoptère, qui s'est crashé dans une dune. Voilà, c'est ça, c'est parce que c'était tempête de sable. Et puis, c'est ça qui est dangereux. Et en fin de compte, l'hélicoptère, il suivait une voiture qui était lui, il était au-dessus de la voiture. Il était trop bas. Quand il voyait les phares qui éclairaient vers le ciel, l'hélicoptère, il remontait, c'est-à-dire qu'il y avait une dune, et puis là, il n'a pas vu que. Il a tapé une dune. Ils n'auraient pas dû partir, mais vous savez, à l'époque, c'était Thierry Sabine, c'était une légende, quoi. C'était, ah oui, carrément. Tout le monde le suivit, c'était le Messi, quoi. C'était comme en foot. Ouais, c'est ça. Mais Arnaud, tu connais un peu le, je suppose, pareil, le Dakar. Ouais, comme je disais, le soir, tout le sport sur France 3, il y avait des petites rétrospectives, j'en regardais comme ça, de temps en temps, je jetais un œil. Et c'était fort intéressant. Mmh. C'était bien, c'est de l'aventure, toujours prévoir l'imprévu, ce qu'il expliquait, Jean-Luc. Il y a plein de choses au niveau technique, au niveau. Puis c'est un autre domaine, le désert. Voilà, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Hein. Ouais, tu vas pas nous faire une vidéo tous les jours là sur le Dakar. Ouais, les gars, allez-y, putain. Mais pourquoi il a. Pourquoi il s'est perdu? Alors le problème, c'est ça. Ah, il est agacé, lui, hein, tu vois. Là, le Dakar, c'est. Bon, les gens disent que c'est pas suivi, mais si, parce que sur France 4, si tu mets France 4, tous les jours, t'as une heure en direct. Ouais. À 19h30. Moi, j'ai suivi un petit peu, j'ai essayé de voir mon ami Jean-Luc. Hein. Et donc, des fois, alors, ou même sur Internet, on arrive à nous suivre, on sait où on est. Alors, ce qui se passe, ça, toi, t'es à 23h, t'es dans ton canapé, tu dis, putain, il est où Martin? Ah, il est là. Et le lendemain matin, tu te lèves à 6h, tu dis, mais où? Bah, putain, il est pas arrivé, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je m'inquiétais, Jean-Luc, t'emmerdes. Non, il t'inquiète pas. Je peux t'envoyer des textos. Mais seulement, toi, tu galères dans les dunes et les gens, ils se rendent pas compte que c'est la galère, quoi. Bah ouais, je pourrais t'envoyer des petits textos, tu reçois les textos quand même. Ah oui, là, si, WhatsApp. WhatsApp, ouais, je t'enverrai un petit WhatsApp. On entend, bon. WhatsApp, ça passe là-haut, on a. Pour prendre de tes nouvelles, au bivouac, on aura des. On aura des serruliers. Ils mettent tout ce qu'il faut là-haut. Ouais, ça va, c'est bien organisé le bivouac, tout ça là pour. Ah bah oui, non, mais l'organisation c'est le tour de France. Un resto, hein. C'est un 3 étoiles. Pas loin, ouais. Avant tu maigrissais sur le Dakar, maintenant tu maigris plus. Tu grossis maintenant. Parce que. Fais gaffe à la combinaison, avant... hein, tu rentres dedans après. Hein. Oui, mais là c'est. Avant tu pouvais. C'est-à-dire que le bivouac, à 22h, la restauration c'était fermé. Ouais. Ça rouvre à 6h. Donc si t'arrives à 22h30, bah tu mangeais pas. Maintenant c'est ouvert toute la nuit, c'est. Tu manges flèche, comme dans un restaurant. C'est 3000 personnes tous les jours qui se déplacent. Hein. C'est énorme. Sur le Dakar. Ah ouais, c'est une organisation extraordinaire. C'est le groupe Amaury, hein. C'est le Tour de France. Ouais, c'est la même organisation du Tour de France. Ouais. Ton plus beau souvenir, toi, sur le Dakar, c'est quoi? Ou le plus mauvais aussi? On va parler du plus beau d'abord. Il y en a beaucoup, je suppose. Non, celui qui m'en vient toujours, c'est quand je suis resté 8 jours dans le désert, quoi, en Ténérife. Ouais, et puis, après, le plus beau, c'est celui que le premier que j'ai terminé en moto, c'était Paris-Dakar-Paris, en 94. Ouais. On avait fait l'aller-retour. Ah ouais, un bon et l'arrivée à Euro Disney. Donc, bravo. Voilà. Bravo. Et le moins bon, on va dire. Bon, le moins bon. Le moins plus bon, galérien. Non, mais le moins part, bon, c'est. À part le moment où tu t'es retrouvé tout seul dans le désert, ouais. Non, mais après, le regret que j'ai, c'est que j'étais sûrement avec le meilleur pilote, mais on n'a jamais eu la meilleure voiture et les finances. J'étais avec Guillaume Gomez. Ouais, Guillaume, il est venu à la radio. Avec Guillaume Gomez. On a fait, le premier Dakar qu'on a fait en 99, on termine 20e. C'était un exploit avec une voiture de chez Dessoud qui avait 4 Dakar. Lui qui arrivait de la piste, qui avait aucune notion du rallye de la Terre. Lui, il était 23h du soir. On était parti depuis 7h du matin. Il voyait des phares devant, il fallait qu'il les rattrape. Hein. Donc on n'était plus à 5 minutes. Quoi. Ah ouais. Et puis un jour, on fait 8e d'une étape. On double Peter Hansel, Pescarolo, Alphand. On double tout le monde. Et on finit 18e. Mais après, on ne trouvait plus les budgets, donc on a arrêté. Ah ouais. Mais voilà, c'était sûrement étape moins peur avec lui. Avec d'autres pilotes, quoi. Oui, renommé, M. Gomez, on le salue au passage. Guillaume. Voilà, donc le regret, c'est ça, d'avoir pas. On a failli avoir un gros budget il y a 2 ans, mais ça s'est pas fait. Donc, voilà. Donc en gros, si t'as un gros budget, tu risques de gagner. Si t'as un petit budget, tu risques de. Oui, je dis toujours. Bah, comme quoi, l'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent, ça fait tout dans la vie, il faut pas me raconter d'histoire. Ouais, mais moi, je suis d'accord avec toi, c'est le nerf de la guerre là-dessus. Je veux dire, c'est pas dur, je dis toujours, en moto, un bon pilote. Un pilote moyen avec une très bonne moto, il sera toujours moyen. En voiture, un pilote moyen avec une très bonne voiture, il sera devant. Mmh, c'est ça. Voilà. Ouais. Ben on le voit en Formule 1 aussi. Hein. Ouais. Sitôt que le mec, il est plus dans la bonne bagnole. Ah oui. Il n'est plus devant. Hein. Comme quoi, c'est le nerf de la guerre tout ça. Voilà, en moto, Quartararo, c'est le seul pilote Yamaha qui arrive à jouer devant. Ouais. Alors que tu lui donnes la meilleure moto, il sera devant. C'est ça. Donc l'argent, c'est que le sport, c'est comme dans la vie, il faut être au bon endroit au bon moment. Alors il y en a les qui les belles personnes, voilà. C'est ça. Ça permet d'acheter une coupe du monde aussi. Exactement. Non mais voilà. Sur les réseaux. Alors on parle football justement sur les réseaux sociaux. Enfin, mais c'est bien ce que dit Jean-Luc, c'est super intéressant. On découvre l'envers du décor là du Paris Dakar. Bon, je t'en ai tout gamin. Et on apprend plein de choses, des petites anecdotes. Je dis pas tout, mais bon. Non, mais c'est un essentiel déjà qui est super intéressant. Maintenant, je commence à me lâcher avec l'âge que j'ai. J'attends plus rien de personne, donc après, toute donner, vérité n'est pas on va donner des béquilles après pour aller dans la bagnole. Oui, non, mais on n'en est pas là, mais bon, ça se rapproche quand même. Ouais, mais c'est bien. J'aurais pu avoir des béquilles à cause de toi. À cause de moi. Oh là là, ouais. J'ai des boules. Je suis vraiment. J'y pense. Oh, j'ai dit putain, je suis pété la gueule en bas de la radio. Non, je suis pas tombé, mais ça aurait pu. Voilà. Hein. Heureusement qu'on est encore agile à notre âge. T'appelles la REP, hein, tu fais un article. Hein. Je connais du monde. Arnaud, la Coupe du Monde, ça y est, the end, comme on dit. The end. Ouais, c'est la fin. On ne voit pas dès que c'est une happy end, mais bon, il y a toujours du positif dans toute situation. Tu prépares quoi, l'Euro, non? Oh, l'Euro, ça sera vite là, de toute façon. Hein. Ça va très vite. Hein. Les éliminatoires, c'est de plus en plus vite, de plus en plus dense. Tout va de plus en plus vite. Hein. C'est l'évolution, c'est le football. Ça n'a rien à voir avec il y a des années. Bon, trop d'argent, je le dis. le dis quand même, ça. Mais c'est le nerf de la guerre. Là, en plus, au Qatar, hein, on parle d'argent. Voilà. Ouais. C'est Al Nassr qui est le grand gagnant dans l'histoire, hein, parce qu'il a quand même trois joueurs du PSG dans le dernier quart. Oui, voilà. Al Nassr, il est le grand gagnant. Hein. Et puis, le meilleur buteur. Meilleur buteur Mbappé, il y a Messi qui est champion du monde. Le Qatar, ils s'en sortent bien, en fait, là. Achraf Hakimi, qui est demi-finaliste avec le Maroc. Donc, tout ça, c'est. Et puis, ils s'en sortent bien, à mon avis, tout le monde critique Dakar, machin, personne ne va regarder. Non, mais les gens sont jamais contents. Ils sont jamais contents, ça va jamais. En France, on râle, on gueule. Alors j'avais un petit coup de gueule à passer, tous ceux qui souhaitaient l'équipe de France, une équipe de France de merde, on souhaite la victoire à l'Argentine, mais on peut aimer son... Alors, qu'on est pour l'Argentine, les gens font ce qu'ils veulent, ouais. Je veux dire. Mais à un moment donné, il faut arrêter de gueuler, de dénigrer le fameux boycott, là tout le monde a boycotté, quand on voit que tous les gens étaient devant leur écran télé, c'est à l'époque de quand le Qatar a été élu pays organisateur, c'est là qu'il fallait gueuler. Exactement, il fallait les opposer, c'est pas maintenant. Moi je peux te le dire, maintenant je boycotte le foot à partir d'aujourd'hui, le Qatar. Parce qu'il n'y en a plus. Non, moi je m'en foutais, que ce soit là ou ailleurs. Bah, tu as là ou ailleurs, voilà. C'est sûr, c'est triste ce qui s'est passé. Il y a eu plein de choses qu'on t'a et qu'on nous a pas tout dit non plus, parce qu'on va pas tout nous dévoiler. Je pense que si vraiment tout avait été. Si vous avez des choses, appelez-nous. Non, en plus, le Qatar, ils vont aligner un peu. Je pense que ça fait du bien d'aborder une compétition sportive. Ça peut être un Paris-Dakar, ça peut être une Coupe du Monde, à Roland-Garros, on s'en fout. Voilà, le sport, ça fait du bien, ça permet de s'évader. On en a besoin d'un peu de rayons de soleil en ce moment. Bon, ok, c'est l'hiver, c'est pas facile, mais bon, je veux dire, on a besoin de sourire dans la vie. Il y a besoin de s'évader un petit peu, d'un peu de bonheur, ça fait du bien. Mais cette Coupe du Monde, ça a changé les idées, ça permet de s'enfuir un peu de cette morosité. C'est dommage, c'est que l'équipe de France gagne pas parce que on sort de l'après-Covid, là. Bon, les gens tristounés, la galère. Hein. Ouais, et puis il y en a qui sont encore là-dedans, qui sont encore tristounés. Faut toujours. On a fait une émission, Francky, où je te parle de fait d'être positif, de toujours y croire, toujours. Bien sûr. Et c'est voilà, moi je m'inspire beaucoup d'Olivier Giroud, d'ailleurs son livre qui est vraiment magnifique. On voit la Coupe du Monde qu'il a signée, toujours y croire. Il devait pas la faire. En fait, il l'a fait. Il est là, il est présent. Et puis ça a été une belle équipe. Il a porté énormément. Les anciens ont été présents. Les jeunes d'hier ont prouvé que il y avait un avenir. Ouais. Il y avait quelque chose. Les moins bons pour toi. Enfin, les moins bons, je sais pas si on peut dire les moins bons. De cette Coupe du Monde. Les joueurs de l'équipe de France De l'équipe de France, c'est un groupe, c'est un tout. Voilà. Bon, il y a des jeunes, avec l'expérience, ils vont se forger, les gars. Se forger. Voilà. On peut pas être bon comme ça du premier coup. Bon, il y a des exceptions. Mbappé, déjà, à l'époque, fin 2016, début 2017, il arrive dans l'équipe de France. Et Monaco, Paris, tout ça. Il y a des exceptions, toujours. Ouais. Comme Zidane, comme Platini. Voilà. Il y a toujours des individus, des mecs qui sortent du lot. Mais c'est un groupe, c'est un tout. C'est un collectif. Ouais. C'est un collectif. Et à partir du moment où il y a une entente, ce que Deschamps arrive à faire, c'est ça le truc, c'est un groupe. Et à partir de là, on a vu ce qui s'est passé. Hein. Ouais. Voilà, c'est bravo les Bleus. Il y a de l'avenir, il y a des belles choses. C'est pas comme si c'était la fin d'un cycle où là il y avait plus rien derrière comme après 2006. Là, il y a quelque chose. Il y a un grand Lloris hier quand même. Hein. Voilà. Hugo Lloris qui est énorme. Oh la vache. Énorme, qui a super bien. Il m'a impressionné hier. Franchement. La frappe de Messi plein axe là, vers il la sort. Ça m'a fait penser à Buffon sur la tête de Zidane quand il vient la claquer, qu'il la sort là, juste au-dessus de la barre. C'était magnifique. Ouais. Bon, faut qu'il progresse au niveau des pénaltys, mais bon. Ah bah ça, de toute façon, j'en ai jamais été sur le point. Au niveau des pénaltys, ça n'a jamais été leur truc. Jusqu'au jour où la malédiction va s'arrêter, ça a été le cas de l'Italie en 90, 94, 98, qui s'est sorti au pénalty. Jean-Luc, qui gagne en 2006. C'est une encyclopédie, hein, le mec. Et qui gagne en 2006. Bah oui. Ça va bien se passer pour la France à un moment donné. N'attends rien. À un moment donné, ils vont y arriver. Mais non, c'est bien. Puis j'espère que Deschamps va continuer. Pour qu'il continue. J'espère aussi. Qu'il continue, ce qu'on championnat d'Europe, gagner l'euro, comme j'ai expliqué tout à l'heure, hein, faire un coup à la 2016-2018, mais à l'inverse, et puis, partir de là, mais Deschamps, hein, c'est un gagneur et c'est un gagnant. Ouais. Puis tout ce qui touche a réussi, hein. Ouais. Ouais, il va à Marseille en 2010, champion de France, il gagne la Coupe de la Ligue. Monaco, finale de la Coupe d'Europe. Il remonte la Juventus qui était en série B pour des affaires de corruption. Et hop, il rentre. Il faut dire des choses à un moment donné. Il y a de la corruption. Comment ça se passe? C'est bizarre, ça. Complotiste. Et là, je me dis que le Qatar, ils vont aligner un peu de thunes pour le PSG encore. De toute façon, c'est bankable pour eux. Al Nassr, c'est le grand gagnant. Là, ils ont chacun les joueurs, ils vont avoir chacun leur Ferrari, je pense. Là, pour la Ligue des Champions, là, j'espère que bon, ils ont Christophe Galtier comme entraîneur. Cette année qui fait un boulot remarquable. Ouais. Et puis il faut plier les matchs façon Bayern de Munich, c'est-à-dire rien à foutre, gagner par des 4-5-0, gagner vraiment être méchant comme les Allemands l'étaient. Je pense que l'équipe de France, là, à venir, ça va être l'Allemagne un peu d'antan. C'est-à-dire, ils vont tout gagner, quoi. Ouais. L'Allemagne, en ce moment, c'est la chute libre. Il y a pas de. Il y a un rôle. Il y a des choses à revoir. Hein. L'Italie aussi. Ils remettent des centrales nucléaires au charbon. Hein. Ah ouais, carrément en Allemagne. Je crois, non. Ah ouais, c'est possible. Peut-être. Non, c'est possible. L'Italie aussi, voilà, championne d'Europe, mais bon, qui ne dispute pas le mondial, deux mondiales consécutifs, comme la France en 90 et 94. Ouais. Voilà, il y a des cycles, il y a des périodes comme ça où ça passe pas. Ah ouais, ça passe pas. Ça passe pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Mais quand ça veut pas, ça veut pas, c'est tout. Les poteaux carrés en 76 à Glasgow, les Verts, Saint-Etienne, ça veut pas rentrer, ça veut pas rentrer. Ça existait, les poteaux carrés, ça existait. Hein, dans les années 70, ouais. J'ai connu. Hein. À l'époque, ça aurait été les poteaux comme maintenant, bah, ça rentre autrement. Mais avec des scies, on va pas refaire le monde. Ouais, bah, voilà, ça fait partie de l'histoire. Avec les scies, on coupe du bois. Avec les scies, on coupe du bois, tout à fait. Et on l'empile. Voilà. il faut pas loucher. Parce que non, mais voilà, il y a une bonne Coupe du Monde, il y a de très bonnes choses. À part l'Argentine qui a été confortée, j'irais, et beaucoup le disent, et ça, personne ne le nie, il y a les pénalties qu'il n'y avait pas besoin. Franchement, je préfère voir une Argentine qui gagne par un Messi qui peut faire une action de jeu. On a vu Alvarez qui marque son but, Messi qui déborde avec son fameux dribble en pivot et puis son centre de gravité parce qu'il est petit, donc ça lui permet de courir vite, de centrer au dernier moment, puis d'Alvarez droit. Ça, c'est des actions de jeu, c'est du football, une action de jeu, un coup franc par exemple. Il y en a qui posent la question, qui demandent si on devrait pas supprimer cette épreuve des tirs au pénalty à la fin. Ah oui, c'est vrai. À l'époque, finale de Coupe du Monde. Comment faire? Alors, à l'époque, le premier qui marque, il a gagné. Voilà, c'est ça. À l'époque, il y avait le. Non, il y avait la. C'était pile ou face. Il y a une époque, c'était le premier qui marquait le but qui avait. On arrêtait la prolongation. Alors ça c'était le but en or dont la France a bénéficié. Voilà, but en or. Voilà. C'est fini, en 98, ça c'est terminé. Hein. C'est comme ils font des fois des tests comme ça. But en or. Moi je dis Laurent Blanc contre le Paraguay en 8e, ça. Hein, et David Trezeguet contre l'Euro, l'Italie à l'Euro 2000. T'es sûr que c'était en quelle année tu me dis but en or? 98 à 2000. T'es sûr? Ouais. Vérifie, voir. Vérifie si c'est. C'est parce que nous on connaît pas les dates. S'ils nous racontent des conneries, ça se trouve. Nous dit oui. Ouais, je me casse. Non. Ça y est, on l'a fâché. Il va se prendre la chaîne qui est non, en bord. Disons. Parce que voilà. Non, mais j'ai vu la chaîne. Il fait jour maintenant. Moi, ça m'a fait chier parce que l'équipe de France, ben, reviennent et puis. Je suis comme les chats, je vois dans le noir. Les tirs au but, ça déglingue. Ça. Moi, j'ai cru aux tirs au but. J'ai dit, c'est bon, parce que les Argentins étaient claqués aussi. Il y avait des crampes. On les voyait, c'était claqué. Non, mais le goal argentin, il avait déjà fait des miracles. Ah ouais. Il était. Je l'ai trouvé serein le goal, moi. Tu sais, quand. Bon, il fait sa dernière apparition avec le trophée là, mais sinon il était bon. C'est grâce à lui. Il le sauve sur la frappe la dernière. Ça je joue à rien, d'arrière. Il sauve, hein, ils étaient éliminés là. Mais c'est vrai que le but en or, ça serait bien. Allez, le premier qui marque, il a gagné. Et puis comme ça, il n'y a pas de suspense. Comme ça, il n'y a pas de tir au but. Il n'y a rien. Alors à l'époque, parce que les jeunes qui ont raté le tir au but, les Français, faut qu'ils s'en remettent maintenant là. Les deux, qui c'est qui a raté, c'est. Il y a Tchouaméni. Ouais, Tchouaméni. Alors qu'il avait fait une bonne Coupe du Monde. Donc là, il va s'en mordre les doigts. Faut vite. Ce qui est bien, c'est qu'ils vont rejouer tout de suite au championnat. Ouais. Ils partent pas en vacances. Non, mais je veux dire, c'est comme sur le Dakar, quand t'as un accident assez grave, et on dit toujours faut repartir tout de suite. Parce que sinon, tu gamberges. Faut pas que ça soit trop grave. Enfin, oui, pas trop grave, mais il faut pas attendre. Faut pas que le pilote soit mort, quoi. Là, je veux dire, si ça avait été comme d'habitude, ou qu'il y a deux mois avant qu'il reprenne, là, il aura pas le temps de gamberger, il va rejouer tout de suite. Donc, Parce qu'il y a Trezeguet, ça y a pourri la vie, ça. Son tir au but contre l'Italie, la barre transversale, ça l'a pourri, Trezeguet. Il est revenu en équipe de France après, il fait quelques matchs, il a marqué, tout le monde disait, ça lui fait du bien. Mais psychologiquement, on voyait qu'il était ailleurs. Ouais, c'est clair. Super joueur, Trezeguet. Super joueur. Ah, super joueur, ouais. Son seul problème, c'est qu'il était d'origine argentine. Bah, il était d'origine argentine. Ouais. Ah, peut-être. On va vérifier aussi. Non, des conneries, Jean-Luc. Non, bah, attends, Son père était joueur. C'est l'encyclopédie. C'est son père, je crois, David, qui était joueur, il me semble. Peut-être. Je sais pas. Il y avait Gonzalo Higuain aussi, qui aurait pu opter pour l'équipe de France, mais qui a joué la finale de la Coupe du Monde en 2014 contre les Allemands. Ouais. Avec Messi, d'ailleurs. Il y a plein de petites anecdotes comme ça. Il y a tout un historique. Mais non, il y avait de la place. Je pense qu'il y avait de la place pour, on verra dans 4 ans, aux États-Unis. Parce qu'après, il n'y aura plus CR7, Messi, il n'y aura plus de Messi. Ouais. Donc, c'est la place pour Mbappé. Parce qu'ils ont pris de l'âge, là. Ça y est, Messi, là. C'est la place pour Mbappé. Ça va aller, Messi, je crois. À un moment. Mais bon, la France, c'est pas la France qui avait le meilleur contingent de joueurs formés en France. Quand tu comptes les Marocains qui ont été formés dans les centres de formation. C'est possible, centres de formation. Les Sénégalais, tout ça, en fin de compte, qui sont passés par la France, ils sont partis au Sénégal. Je crois qu'on c'est nous qui avons formé plus de joueurs. Alors, en sélection, les gars peuvent jouer en espoir. Par contre, après, pour les A, ils optent soit pour le pays d'origine, soit ils peuvent jouer pour la France. D'accord. On en apprend des choses ce matin sur le football. Sur le Dakar aussi, on en apprend parce que ça y est, c'est le départ le 31. C'est le 31 janvier? Décembre. Non, le 31 janvier. Parce que le 31 décembre, c'est quand même la nouvelle année. Vous allez partir. Ben justement, avant, on ratait le Noël et le 1er de l'an. Oh, et là, vous allez fêter ça là-haut, alors? On sera dans les. C'est à quelle heure, ça, tu pars? Le 31. Vous partez à quelle heure? Ah, ben, je sais pas, parce que c'est le 31, c'est un petit prologue. c'est un boîtier à défiler, quoi. Ça te fait pas chier de faire la nouvelle année là-haut, non? Non, j'ai toujours fait ça là-haut. Moi. Ouais, donc au contraire, ce qui me fait chier, c'est quand je le fais pas. Ah oui. Je sais pas quoi faire. Ah ouais, tu y penses? Oui, quand tu le fais pas, tu penses souvent, tu diras, il faut que je trouve. Bah, oui, je préfère être au Dakar. C'est pour ça que quand l'autre il m'a appelé, j'ai dit ok. Ah, bon. Là, t'as dû jubiler là. Ça me fait mes vacances, ça me fait décompresser tous les problèmes qu'on a. Ah ouais, puis on en a. Tous les jours, mais bien sûr. Parce qu'un problème n'attend pas l'autre. Elle est où la voiture là? Elle est sur le bateau là. Sur le bateau là? Elle est prête? Bah oui, c'est une bonne voiture en plus, c'est une des meilleures voitures de la catégorie. Donc elle est toute neuve en plus. Ouais. Alors des fois quand c'est tout neuf, c'est pas forcément bon. Vaut mieux que ça roule un vous petit peu. Vous l'avez testé quoi. Oui, comme mon gars il est du nord, il a été roulé sur dans les dunes là-haut, le nord. Ah d'accord. Ouais. Mais bon, il a roulé 40 km quoi. Donc tu vois pas. Des fois c'est bon aussi de. Même quand, par exemple, quand on partait de Paris et qu'on allait, qu'on traversait la France, c'est bien parce que tu vois si la voiture a des défauts, si y a des trucs qui cassent, et tout de suite. Tu vois. Là, ça se trouve, un truc mal monté, on sait pas. Bah, il faut peut-être la malmener un peu, non, au début, non, pour tester un peu. Ouais, mais là, sur le bateau, pour rien faire. Ouais, oui, je me doute bien. Ouais, là, il faut qu'elle soit amphibie, la bagnole. Non, bah, ça va être. Ouais. Bon, bah voilà, Inch'Allah, quoi. Ouais, comme on dit, ouais. Inch'Allah, ouais. Ouais. Bah, j'espère pour toi que. Vous allez faire un bon classement quand même. Oui. Oh, si on arrive au bout, on devrait bien classer. Non ouais, en tout cas, ça va être bien. Moi, je vais suivre ça. Hein. Je vais aller voir sur France 4. Hein. Bah oui, il y a de quoi. Tu fais Dakar.com et là, tu verras. Tiens, tu fais tout. Et tu moi, j'ai regardé ça, hein, mon poteau Jean-Luc. T'as les parcours, t'as les images. Tu nous feras les petits directs, Francky. Ouais, tu nous feras les petits directs, commentateur. Ça va pas être simple le matin. Je te ferai des. Le soir, serait plus. Des petits messages d'encouragement. Ouais, j'espère, ouais, que je pourrais te répondre. Bah, si tu prends un bon pas, c'est pas grave, mais au moins tu les auras eu, ça va peut-être te donner un petit coup de. Si des fois je rentre tard, tu t'inquiètes pas. Non, je m'inquiète pas, t'inquiète pas. Je dirais un vieux couple. Si je t'appelle pour un soir tout de suite, tu m'en veux pas. Ah non, t'inquiète pas. Vous voulez que je vous laisse tranquille tous les deux? Non, ça va aller. C'est ta femme peut-être qui va s'inquiéter, non? Si t'es Jean-Luc. Bon. Non, s'inquiète pas. L'habitude maintenant. Ouais, quand tu pars comme ça dans le milieu du désert, elle s'inquiète? Non, elle a l'habitude. Ouais. Non, c'est au début. Ouais. Mais bon, après. Quand même, ça va pas être facile. Bah oui, c'est comme ça. Bon, non, on prépare quoi après le foot, là, sur le réseau? Pas mal de petits courts-métrages, des petits coches-pêches, et des commandes de costumes qui arrivent. Il fait du court-métrage. Ah bon? Ouais. Je fais pas mal de choses, ouais. Court-métrage sur quoi? Sur un peu tout, films policiers, comiques, parodies, je fais pas mal de petits trucs, des petites mises en scène. Alors, pour te raconter l'histoire un petit peu, Jean-Luc, parce qu'on va raconter l'histoire, Arnaud, je l'ai connu parce que c'est le Batman de Vierzon. Ouais. Alors ça, le Batman de Vierzon. Ah bah, c'est reparti, ça. Non, mais tout le monde me disait ça. En fait, ouais, c'est le problème, Jean-Luc, t'explique, voilà. Il est passé à il m'a connu, mais alors je suis passé à la télé, il a tonné. Moi je suis fan de Batman depuis tout gosse, comme j'aime le football, comme j'aime les Dents de la Mer, le cinéma, tout ça, c'est tout un univers. L'artistique et le sport, c'est mes deux trucs depuis tout petit. Et puis un jour, j'ai eu le culot de contacter France 3 pour présenter ma passion, collection Batman, costume. C'est bien passé, le reportage était sympathique. France 3, c'est des petits reportages locaux, télévision du coin, ça reste bien. Mais c'est que par rapport à ça, je pensais pas que ça allait faire le buzz, quoi. Faire parler, oui. Alors, il y a une grande chaîne de télé qui est venue me voir à l'époque et sur NT1, c'est D8. Ah bah tiens, ça nous intéresse. Et ils ont totalement tourné le truc, ils m'ont fait passer pour un con, quoi. Ils m'ont fait passer pour un abruti. Ouais. Alors, heureusement qu'il y a des gens qui ont compris. C'est comme ça que j'ai connu ma petite femme qui a compris, elle, à l'époque, c'est de la dérision, en fait. Hein. Et puis, Francky, il avait vu le truc et puis il m'a contacté. Superman, il est arrivé. Puis on a fait un petit délire. On a été voir les gens de mon quartier à l'époque où j'habitais dans mon petit appart. On abordait les gens comme ça en Superman. Je me suis retrouvé à 6h du matin à Vierzon en Superman, moi. Juste avant que je parte au boulot. Ouais, c'était du lourd. J'étais sur notre radio à l'époque orléanaise et je me suis retrouvé en Superman à 6h du matin avec Batman en déguisé dans les rues de Vierzon. Il n'y avait pas un chat dans les rues. Il y a des photos sur les réseaux, des petites photos, on a fait avec ma collègue de l'époque. C'était quelque chose. Et puis en fait, ça amenait du bon, du moins bon. Derrière, ça m'a fait perdre mon boulot, ils ont paniqué, ils ont passé à la télé. Je suis quelqu'un de très professionnel qui me bien pas la vie pro et puis la vie privée, mais ils ont paniqué, j'étais surveillant au collège, allez hop, au revoir, merci d'être venu. Enfin, garder les mauvais éléments, parfois c'est souvent comme ça dans le boulot, on garde les merdes et puis les bons. Souvent, c'est comme dans le sport, des fois tu prends pas forcément les meilleurs pour éviter que ça te fasse de l'ombre. Donc, il y a un très bon reportage qui est sur quelqu'un que j'admire, qui est Jean Todt. Sur Canal Plus, là, il y a eu un beau reportage où il a dit pourquoi j'ai réussi, parce que je me suis entouré des meilleurs. Ouais, c'est ça. J'avais pas peur de les meilleurs et j'avais pas peur qu'ils me prennent ma place, ils étaient vraiment meilleurs que moi. Parce que t'en as beaucoup qui prennent pas les meilleurs pour pas qu'ils prennent leur place. C'est ça. Et dans le sport, c'est pareil, hein. Je pourrais t'en parler, j'étais dans le basket, je connais bien. des fois tu recrutes des gens qui sont pas compétents et comme ça tu risques pas de... Il y a la paix sociale, voilà, ce qu'on appelle la, voilà, la fameuse paix sociale. Voilà, on veut pas d'embrouille, il y a de l'argent qui traîne, qui tourne, y a, c'est ça tout. Hein. Par contre, il y a... tu vas peut-être pouvoir me renseigner, Francky. Ah, vas-y, on est en direct. Quel diplôme il faut pour être élu... Il y a des diplômes pour être politique, pour avoir été élu. Non, donc comment ça se fait, ça? Il y a pas de diplôme. T'as des gens après qui nous expliquent la vie. Ouais, c'est ça. En train de me dire qu'ils n'ont pas eu de diplôme. Non, et tout ils n'ont pas de diplôme, ils sont comme toi et moi. Hein. Ah, n'importe qui peut être élu. Tu peux être élu, toi. Ah bon? Tu pourrais, tu vas te présenter à la mairie? Ben non, parce que j'ai pas envie de dire aux gens ce qu'il faut faire. Et puis moi, faire tout le contraire. Ah bah peut-être. Mais je te verrais bien, tu pourrais être élu. Hein. Non, mais parce que je connais des gens comme ça, qui sont élus, des postes importants et qui n'ont aucun diplôme. Ah bah il y en a plein. Hein. Bon. Ils nous conseillent, ces gens-là. Hein. Ah ouais. Ils nous disent comment il faut faire. Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Voilà. C'est ça. C'est exactement ça. Ouais. On peut. Tu pourrais être élu. Si tu veux. Oui, bon, bah non, j'ai assez de soucis comme ça. Assez de boulot comme ça, ouais, je crois, déjà. J'ai de quoi m'occuper. On a déjà fait le Dakar. Déjà, on va faire le Dakar. Voilà. C'est une bonne passion, déjà. C'est une bonne occupation, ça. C'est, voilà, c'est et puis ça, ça m'a ouvert plein de portes aussi. Hein. Ouais. Non, moi, je viens d'un milieu très... Dans le Dakar, il y a des portes, en plus. Oui, il faut les enfoncer. Moi, pour trouver les partenaires, quand on me fermait la porte, je passais par la fenêtre. Hein. C'est dur. Trouver les partenaires quand tu leur dis je fais non, ouais, ouais, c'est une belle carte de visite quand même le Dakar. Quand tu dis je fais le Dakar, et puis tu vas pas dire je fais la course de Bussy-Saint-Liphard. Moi j'apprends Bussy-Saint-Liphard, hein, je sais pas quoi, dans le trou du cul du monde, tu vois. Tu leur apportes ça, mais là tu dis je fais le Dakar. C'est plus facile à trouver des budgets, c'est vrai. C'est plus facile. Mmh. Ouais. Mais, et puis bon, quand tu vends le Dakar, tu vends. C'est pas facile à vendre parce que c'est. Avant qu'il y ait des retombées, bon, il y a des retombées locales, mais tu peux pas taper des grosses enseignes, parce que t'es jamais sûr d'avoir des, si, alors, pour passer à la télé au Dakar, c'est soit t'as un grave accident, ou soit t'es premier. Ouais. Mais le mec qui finit 18e, comme j'ai fait souvent 18e, hein, en moto, mon meilleur résultat, c'est 18e deux fois. En voiture, avec Guillaume, on a fait deux fois 18e, c'est un super résultat, mais on parle pas de toi. Ouais, c'est dommage. C'est même quand c'est ça qui nous a dégoûté, hein, à l'époque où, avec Guillaume, on fait 8e d'une spéciale, qu'on double Alphand, pas un mot sur nous. Alors qu'on avait une voiture, c'était une camionnette, c'était un truc dépassé. Alors on s'est dit, bon, bah, allez, on arrête. On arrête, démotivé, quoi. Mmh. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est dommage. Bon, on va vous laisser le mot de la fin. À toi, Arnaud, peut-être, d'abord. Bon, bah, c'est content d'avoir partagé avec Jean-Luc, hein, d'avoir débattre un petit peu, d'échanger. Du monde, ouais, voilà, il y a toujours du bon. Moi, ça va me manquer sur Facebook. Dans toutes situations, il y a toujours du bon. Non, mais de toute façon, moi, j'ai pas mal de projets, pas mal de trucs, là, qui vont se construire. Dans le foot, je continue. Là, j'ai des maillots qui doivent arriver. Prochainement, faire signer pas mal de joueurs. Chasseur d'autographes également. Je fais signer tous les maillots que je possède dans ma collègue. Je t'ai promis que Bruno Germain, je vais le faire venir. Oui, bah, Bruno, ça va se faire. T'inquiète pas, mais on attend les beaux jours. Là, il y a les fêtes, tout ça. Il va venir, je le connais très bien, il va venir. Le temps de commander un ou deux maillots, j'ai des posters, des photos, j'ai pas mal de petits trucs, et puis voilà, qu'on partage un bon moment avec Bruno, quoi. C'était un super footballeur. Et non, il demande pas d'argent, Bruno, quand il vient. Non, c'est gratuit, hein, je te jure. Il est déjà venu de foot gratuitement, il vient. Ah ouais, c'est un super mec. Et moi, ce qui va me manquer, c'est tes coups de gueule tous les jours. Hein. Ouais, les petits coups de gueule, les coups d'humour, et puis le fait de jouer les supporters. J'ai fait l'Argentin, le Brésilien, avec tous mes costumes, avec les perruques, les chapeaux, l'Espagnol. Olé ! Et puis le Français, Dédé, le petit Dédé, que j'ai le personnage que j'ai créé il y a 4 ans, un peu. Il y a un sacré personnage, là. Hein. Voilà, des petites imitations depuis tout gosse. Et voilà, je fais mon petit métier d'acteur amateur, c'est le plaisir de faire partager tout ça, toute cette passion. Mais bon, on va continuer à te suivre, Arnaud Fermin, sur les réseaux. Sur YouTube, sur Facebook, partout. Tu veux pas nous faire un petit coup de Batman vite fait là, un de ces quatre, non? Un petit coup de Batman, ouais, il y a des petits trucs, des petites photos, des costumes en préparation, des commandes là qui viennent d'arriver, des masques, surprise, et puis pas mal de choses. J'ai un court métrage là qui est en cours de préparation. Moi j'aime bien participer à un court métrage si tu veux. Un policier, ouais. Ouais. À la Bébel, je te mets deux tartes dans la tronche, voilà, un petit tout, la boum boum. La Bébel, j'étais fan de Bébel. Ouais. Ah, j'ai fait le Dakar avec son fils. Ah ouais, Paul. Paul, ouais. Tout était très gentil, très discret. Très... Ouais, ouais. Bah, avec Guillaume Gomez, on était dans le même team avec Dessoud. Ah ouais, carrément, ouais. On a des bonnes anecdotes ce matin, et on croirait pas le matin comme ça. On parle de Belmondo, j'ai son autographe à Jean-Paul Belmondo, je l'avais dit à l'antenne, il faudra que j'amène la carte, il m'avait signé une photo. Pour Arnaud, Jean-Paul Belmondo. Ah, celle-là, je la garde. Ça, c'est Belmondo, grand amateur de sport, boxeur, football, et rugby aussi. Notre ami Thierry Primo, Belmondo l'appelait capitaine crochet. Ah ouais? D'accord. Parce qu'il avait une bonne... Et ça, j'étais moi, des fois. Il m'emmenait sur des galas et Belmondo était venu le saluer. Ah ouais, carrément. Ouais. Ouais. Ah, c'est un grand homme, Jean-Paul. Ouais. Un grand... D'une gentillesse et d'une simplicité, Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est la marque des grands hommes. L'humilité. Bon. Comme Olivier Giroud dans le football. C'est ça. Un grand nom, un grand monsieur. On va se quitter avec toi si tu veux, Jean-Luc. Le Dakar, ça y est, C'est le départ, c'est le 31. 31 décembre, ouais. C'est samedi prochain. Enfin, dans 15 jours, pardon. Ouais. Oui, dans 15 jours. Ouais, bah, là, c'est Noël. Je suis perdu ouais, dans les moi aussi, ouais. 31. À quelle heure vous partez? Bah, je sais pas, c'est à toi. Au revoir. Il faut pas louper le bateau, quoi. Non, mais le bateau, il est pas raté. C'est l'avion, maintenant, qu'il faut plus rater. Mais là-haut, bah, le départ, parce qu'on est beaucoup de concurrents, quand même. Je sais pas combien on est, hein. Il y a peut-être 150 motos, 150 voitures, 30 camions. Donc, on part toutes les minutes. Donc, ça part le matin de bonne heure. Et la première moto part à, faut savoir que sur le Dakar, des fois, les premiers véhicules, ils partent à 4 heures du matin. Ah ouais, d'accord. Ouais. Première voiture. La première moto, je veux dire. C'est toujours les motos qui partent. On va suivre ça sur France 4. N'hésitez pas à suivre ça sur France 4. Vous regardez, voilà, Jean-Luc France 4 et France 3. Cherchez-le, hein, France 3, France 4. Ouais, ça parlera pas trop de nous, je pense. C'est pas grave, on va regarder. Moi, je vais chercher, t'inquiète pas. Je vais appeler, moi. Je vais appeler France 3, là. Je vais leur dire. Il est où, tu nous feras des petits directs, Francky. Tu commenteras le parler de la carte. Ouais, je vais regarder ça. Comme moi, j'ai fait avec la Coupe du Monde. Allez, chiche. Ouais, je vais le faire, moi. Je vais regarder ça. Il faut que je le suive. Il est où, Jean-Luc, là? Je vais appeler France 3. 438, un numéro. 438. Ah, on va le retenir. 438. Je vais le noter tout de suite, comme ça. Tu vas regarder ça. Je vais l'imprimer, ce numéro. Tu notes aussi un autre temps. Bonne chance, Jean-Luc. Bon courage. Parce que c'est surtout du courage qu'il faut, là. Puis de la chance aussi. Et bon, quand bien préparé, ça va le faire. Le buggy va aller partout. Oui, il faut toujours être positif, hein. On a toujours. Voilà, c'est si ce qu'il faut. Si tu pars en étant négatif, déjà. Ah bah, c'est mort. C'est bon parti, hein. Si tu pars en voyant que les problèmes, t'arrives jamais. Hein. Ouais. Et ben, champion, j'espère pour toi. Et j'espère que tu vas bien être classé, Jean-Luc. Merci d'avoir accepté l'invitation, Jean-Luc. Merci. Et puis, n'oublie pas de retirer la chaîne, hein, parce que si tu me invites. Je vais leur dire, je te jure, je vais leur dire. Allez, je vais marquer un mot sur le truc. Ouais, ça sert à rien, ta chaîne. Sur la main courante. En plus, ça sert à rien. Sur la main, je vais faire une main courante, hein. Et heureusement qu'il s'est pas cassé la gueule. Et la chaîne, tu l'enlèves, coupe boulon, boum, on en parle plus, terminé. Oui, à la limite, on peut la retirer en partant, là. Ah ouais, t'as un coupe boulon dans la bagnole, bah. Non, j'en ai pas. Les mecs du Dakar, ils ont ça, attends. Jean-Luc Martin, notre invité ce matin. Merci. Le Dakar, merci, c'est le 31, le départ. Ça, on va te suivre ça de près. N'hésitez pas. L'Orléanais est là dans le studio. Et ça me fait vraiment plaisir. Et puis, merci aussi à toi, Arnaud Fermin. Bah, merci à toi, Jean-Luc. C'était un bon moment. C'était sympa. C'était sympa. Ouais, d'échanger. En plus, c'est bien. Vous connaissez le sport tous les deux. Donc, bah, oui, moi, je suis fan de sport. Ouais. Et puis, merci à toi, Francky. Ouais, moi, je suis là pour ça, moi. Bah, oui. Nous, on est là pour accueillir les gens. Attention les oreilles, parce que j'avais amené la petite pour la Coupe du Monde. Oh merde! Putain, après la chaîne, c'est le truc qui part en. Ça va mal, hein. Elle va mal, cette radio. Oh la vache! Mais, je vous remercie, les gars. Allez, merci. Merci. À tous. On va faire une belle photo et puis rendez-vous demain matin. Salut. Salut. Salut. Chocolat. FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut. J'aurais bien voulu chanter, danser hier. J'aurais voulu, j'aurais voulu tout ça. Il... 7h. Il est là. Votre réveil matin, c'est ah, parce qu'il a pas pris de bon micro, Jean-Pierre. Ça va, Jean-Pierre? J'allume le bon micro. Voilà, c'est bon. Ça va être mon Francky. J'ai gardé Arnaud Fermat dans les studios. J'allume son micro aussi. Il y a Jean-Luc qui est avec nous de Dakar. Il attend. On va aller faire un petit tour du côté des cartes grises avec lui. Ah là là là là là. Il va nous niquer les micros, lui. C'est bien qu'ils sont pas en super forme. Et là, il a tenu, hein. Il s'est pas cassé la gueule. Et ouais, comment il va bien, Jean-Pierre Martins? Eh ben, écoute, Jean-Pierre Martins, ça va bien. On dit Martin, c'est en portugais, je crois. Hein. Oui, c'est pas Martin. Oui. Hein, non, mais même en français, d'ailleurs. J'aille pas me tromper, quand même. J'aille pas me taper la honte avec nos amis portugais qui nous écoutent énormément sur cette radio. Alors, mais moi, je tiens à ce que le S se prononce même en français. Merci, monsieur Martins. Mais je Martins. Martins. Vive alors... l'Argentine. Oui. Oh, c'est la langue à fourcher, là. La langue à fourcher. Alors, on va se battre dès le matin. Bon, les Français sont même mieux que les Portugais. Les Portugais, ouais. Cadre final, bye bye. Hein, la France, au final. Bon, ouais. J'ai pas de sécurité, là. Déconnez pas. Ouais. Non. Alors, T'as regardé le match hier. Oui. Alors j'ai regardé. Alors si tu veux la première partie, je me suis endormi. Ah, comme tout le monde. Hein, parce que je pense que. Et moi, à un moment, j'étais en train de faire la vaisselle dans la cuisine. Et j'avais mis la télé plus fort tellement que je me disais, ah sérieux. Hein. Ah, puis quand j'ai entendu que ça commençait à bouger un peu, oh, je dis, oh là, j'arrête la vaisselle. Hein, tu me fous devant la télé non, avec le plaid. C'est vrai que je me suis endormi la première mi-temps, je me faisais chier. En fin de compte. Comme tout le monde. Et puis après, je sais pas, j'ai failli me rendormir à la deuxième mi-temps. Puis bah non, j'ai dit tiens. Dernier quart d'heure, alors ils sont rejetés. T'en as pensé quoi, Jean-Pierre, alors? Bah écoute, l'Argentine méritait de gagner quand même. Ouais, ouais. Sa langue a encore fourché. Alors j'ai beaucoup pensé à Arnaud. Salaud. Ah mais vous pouvez être en couple, hein, si vous voulez tous les deux. Hein. Non, faut pas le dire. On était en train d'en parler en antenne. Long, hein, vous avez on long, pensait hein. Au PAX. Mais l'administration, hein, c'est chiant. Ouais, c'est long. Il reste moins de 10 minutes là en temps conclusion, Jean-Pierre. Eh ben, on va conclure. Encore c'est deux fois. Est-ce que tu peux nous mettre une musique romantique pour qu'on puisse conclure? J'en ai pas. Ah si, j'ai un truc là. Destiné. Ouais, destiné, non, ça c'est à l'ancienne ça. Non, mais c'est vrai que les Argentins étaient forts. Il faut être honnête. Hein, il faut être honnête. Non, l'arbitre. Les Français. Les Français sont remontés sur la deuxième partie. Après, je pense, ouais, sur cette Coupe du Monde, ouais, si vraiment il y avait un souci, un truc à revoir, c'est l'arbitrage. Et puis on ne met pas, comme je l'ai dit, Jean-Pierre, tout à l'heure, on ne met pas un Polonais sachant que les Français éliminaient le Pologne en 8e. Et puis en plus, l'Argentine qui les bat en poule. Je veux dire, tu mets un mec neutre, je reviens là-dessus, tu mets un mec neutre d'un continent, tu mets un Africain, un Asiatique, un Australien. Ouais. On ne met pas un mec qui est de la même nationalité ou du même continent que les deux concurrents, quoi. Non, c'est sûr. Non, ils auraient dû mettre un arbitre français. Hein. Et... Comment il s'appelait l'ancien arbitre français qui est connu là? Il y en a un qui est connu. Il y avait Quignoux. Voilà, c'est Joël ça. Quignoux. Ouais, Joël Quignoux. Là. Ça aurait été bien ça. Ah oui, mais oui. Qui a volé la Bulgarie en 94 en demi-finale en ne sifflant pas un deuxième pénalty sur une main de Costa Curta. Ah, le mec, c'est une encyclopédie à lui tout seul. Hein. Il connaît tout. Il a pas de notes, hein, moi je le dis. Il a rien écrit hein, quand il vient à la radio. Il vient comme ça. Alors t'imagines de passer une nuit avec ce mec-là? Ah ouais, j'imagine. C'est ta compagne, ça va C'est le cul du tourné, là. Est-ce que ça se passe bien avec la compagne? Parce que. Au top. Moi, hier, je t'ai vu excité, là. Au top, non, ça se passe super bien. Je le disais tout à l'heure, Jean-Pierre, j'ai l'impression que c'était l'entraîneur qui était en train d'engueuler les joueurs. Ouais. Dans les loges. Mais moi je me régale, je regarde ses vidéos, je me régale. Non, mais hier, t'as vu, il était énervé après. J'ai l'impression que l'équipe de France était en face de lui. Et mais c'est marrant, deuxième période, t'as vu, ça a changé tout de suite, quoi. Mais pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'à mon avis, des chances, ça va être un peu comme ça dans les vestiaires. Ils vont pas y aller tranquillement. Bon, les gars, vous inquiétez pas. Ça va être, ça va gueuler un peu, c'est normal. Non, le président de la République leur a dit dans l'en. Je vous fais un chèque. Dans les vestiaires, c'est ce qu'il a dit à Mbappé quand il l'a pris dans ses bras. T'inquiète pas, il y a 2-3 chèques carrés. 400 000 balles, t'inquiète pas. Plus que ça, 2-3 millions. Ah bon. Pardon, excuse-moi. Attends, 400 000 balles, c'est rien, ça. C'est de l'argent de poche. Ouais. Vous voulez une anecdote, là, vite fait, là, pour hier, pendant le match. À la mi-temps, je me faisais tellement chier, là, le truc. Et puis, à un moment, il y a un jeu. Tu sais, il y avait un jeu, là. On peut gagner 150 000 euros. Oui. J'ai joué. Pendant 50 mois, J'ai joué, les gars. Et tu as gagné la boule qui est devant toi, là? Non, j'envoie le truc, le code, machin, et je reçois un SMS après. Parce que tu joues dans un SMS. Après, tu reçois un TF1, Merci, etc. Et il te pose une question. Donc il demandait en quelle année l'Argentine a gagné la Coupe du Monde, la première. C'était en 1930, je crois. 78. Mais non, 1930, ils ont perdu en finale contre l'Uruguay. Ouais, 78. Non. Bref, je mets la réponse. 78. Oh, c'est la première question. Là. Voilà. Hop, j'envoie ça. Bon, j'ai pas eu. 78. J'ai pas eu d'appel. Hein. C'est en 78, non, Mario Kempes. D'ailleurs, à l'époque, quand ils l'ont gagné en 78, il y avait le général Videla qui était au pouvoir, ça a été plus ou moins, Je me suis dit, bon, ils m'ont appelé, TF1, je vais avoir 150 000 euros, moi, j'aurais passé une bonne soirée, tu m'étonnes. Personne m'a appelé, hein, moi. J'attends encore. Hein. Il avait prévu de pas venir ce matin. C'est une grosse arnaque. Ça bouffe crédit, ça bouffe tout ton crédit, ces trucs. Je serais pas venu ce matin. Déjà, Jean-Luc, il serait pas pris la chaîne de la radio, tu vois. On aurait été peinard. Alors, la chaîne en bas, ouais. Alors, la chaîne en bas, c'est juste pour éviter que tu t'en ailles avec les blocs. Ah ouais. Voilà. Non, mais je crois que c'est pas la bonne. Et puis, c'est quand tu as un invité que t'aimes pas trop, tu dis c'est pourvu qu'il se casse la gueule. Et tu rigoles, mais le pauvre. Un jour, il y a un invité qui va avec sa bagnole, il va vouloir se garer devant, il va pas voir la chaîne, il va arracher toute sa bagnole. Ouais, non. C'est dangereux, non? Mais ben oui, ça, voilà, c'est des coups c'est, presque. Je sais pas si je vais revenir, moi. C'est pas la banque, eh, non, mais c'est pas la Banque de France. Pourquoi vous pouvez le coffre? Et moi, j'ai eu peur, parce que Jean-Luc, quand il m'a dit ça, il était sérieux ce matin, il s'est pris la chaîne, hein. Il aurait pu, à cause de nous, il aurait pas fait le Dakar. Ah, on aurait été bien dans l'arrêt, là. On aurait dû aller au Dakar. Non, mais on va s'en occuper en sortant de la chaîne. Ouais, on a coupé le boulot, d'ailleurs. Une page sur l'arrêt, le Dakar annulé à cause de nous. Hein, la pub. Non, mais le Dakar, on l'aurait fait, c'est pas grave, il nous aurait coaché. Ouais, moi, j'ai une bagnole qui traîne chez moi, j'ai acheté un truc avec ce point, là. Ça le fait, le Dakar, ça va partout, ça. Le X3, il fait le Dakar. il va pas aller loin, hein. En plus, c'est un vieux modèle, hein. C'est pas les doux, attention. C'est-à-dire qu'il est dans l'angle là-haut, il rigole doucement. Ton X3, là, le Dakar, il reste au départ. Bon, les amis, on va vous laisser parce que c'est dans 9h, c'est mon ami Jean-Pierre qui ça prend les JP qui va prendre l'antenne. Voilà, je vais chercher la pub, là, elle est toujours là, la pub, elle est toujours là. Bon, j'en mets un petit coup, là. C'est le voisin, il va être content, Laurent, à côté. On va réveiller les auditeurs, là. Non, on va réveiller le voisin, surtout. Il va encore porter l'émission place. Qui réveille tes voisins. Allez. Oh, le match, merde. Ouais. Allez, les bleus. Bon. L'année prochaine, maintenant. Ça redémarre l'année prochaine. C'est quoi? Ouais, ça va. Coupe du monde féminine. Mais le rugby. Et le rugby. Mondial de rugby. Ah ouais, il y a le rugby. Oh, je suis pas bon rugby. Moi, j'y connais rien. Bon. Ouais, t'inquiète pas. Je prends des petits directs aussi, Franck. T'inquiète pas. Oh la vache. On va s'amuser. Non, mais hier, fallait le voir comment il était énervé, là. Oh la vache. J'étais mort de rire. Bon, Jean-Pierre qui démarre. Il y a quoi ce matin? Disque à la demande. Il y a des trucs à vendre. Du football. Non, c'est Noël. C'est Noël. Il y a le t-shirt du Portugal à brader, c'est vrai. Celui de la France, ouais. Et par contre celui qui coûte de l'argent, c'est celui de l'Argentine. Voilà. Bon. Il me fallait un tapis de bain, je vais prendre le maillot portugais. Bah moi si tu veux. Salaud. Non, puis moi, le jour, je disais à Jean-Pierre, il y a longtemps qu'on n'a pas vu la déco de Noël à la radio. Ah, là, j'ai la boule devant les yeux. Non, mais sérieux. Tu sais que ça peut prêter confusion. La boule ou t'as non, mais boules. C'est joli. Franchement, oui, c'est bien. Sympa. Mais la boule, là, sur le micro, là. J'ai les boules devant le micro. Je vais te dire un truc. J'ai les boules de la radio devant le micro, là. Moi, j'étais placé sur le côté. Il manque une boule, là. Je voyais pas trop, mais la vue sous cet angle-là, c'est limite érotique. Ouais. Je suis en train de bouffer les boules de la radio, là. Non, mais sérieux. C'est super joli. J'adore la déco, le sapin de Noël qui est derrière moi. Oui, là. C'est joli. Il est bien. C'est joli. C'est juste ça, là, quand tu bouges le micro, c'est casse-cou. Ah, mais quand j'ai filmé la première partie, t'inquiète pas, la caméra, ça passe super tu bien. Tu vois les boules? Ah, ça passe crème. Tu vois les boules ou pas? Enfin, les boules de Noël. Les boules de Noël, bien sûr. Ouais. Alors, je disais avant de partir, là, Jean-Pierre, on va se barrer, la pub qui arrive, déjà. Non, le gardien, comment il s'appelle, le gardien, ceux qui ont gagné, là, les. Martinez, là. Il prend le Condor comme un sexe. Le chèque derrière, il est fou, quoi. Fou le mec, hein, c'est grave. T'as vu le check derrière quand ça fait le tour des réseaux sociaux, personne ne comprend pourquoi il a fait ça. Mais moi d'ailleurs. Disqualifié, France champion du monde. Ouais. Non, ouais. Ouais, on est apparemment des champions. Non, mais moi j'ai trouvé irrespectueux ça. Carrément. Et surtout dans des pays comme ça, je veux dire, ils sont vachement. C'est prude. Le sexe, c'est. Voilà. Et le check, t'as vu la tête qui fait le check? Rien à tête. Mais est-ce que vous avez aussi la tête du check? Vous avez remarqué quand ils ont remis le trophée à Kylian Mbappé? Fais la gueule. Sa pompe là, elle a fait le tour du le socle ou pas, vous avez pas vu? Merci. Elle a fait le tour de quoi? Si tu veux, ils lui remettent le trophée, donc c'est une chaussure de le soulier d'or. Et en fin de compte, à un moment donné, lui il a la main comme ça, il traverse et tu vois la pompe qui fait tout le tour, qui se dévisse quoi. Ah, se dévisse. Vous avez pas vu ça les gars? C'est du toc. Non, c'est du temps. Elle est même pas en or, la pompe. Oh la vache. Pour ça qu'il tirait la gueule à Mbappé hier. Bah ouais, parce que la pompe, elle se barre. Hein. Ça se barre en couille, hein, le monde. Comme les boules, là, devant à la radio. Allez, les bleus, rendez-vous à l'Euro 2024 et au Mondial 2026. Ok. Et j'espère le doubler, que, comment il s'appelle? Deschamps, il sera là. Ouais. Bon. Allez, Dédé. C'est la pub. Et puis, je vous laisse avec Jean-Pierre Martins. Merci, Jean-Pierre. Ça se revoit pas. Bonne fête, mon ami. Ouais, bonne fête, bon Noël. Tu seras là la semaine prochaine. Ouais. Passe un bon Noël. La nouvelle année, je l'ai fait avec vous, la nouvelle année. Si t'as été sage, il y aura des cadeaux, certainement. Bon, j'espère. En tout cas, merci Arnaud, merci à Jean-Luc. Merci à tous, à Jean-Luc, à Jean-Pierre, cette petite parenthèse sympa. Avec Jean-Luc, j'ai appris beaucoup de choses pour le Paris-Dakar. C'est bien. L'année prochaine. D'accord. Merci à toi. Merci à toi. Non, mais c'est bien. Que je me tape quand même 80 km aller-retour. Ça veut dire que maintenant, les prochains coups de gueule qu'il va faire, c'est sur le Paris-Dakar. C'est ça. Va dire Jean-Luc, pourquoi t'as tourné à gauche, fallait pas aller à gauche, fallait aller à droite. Je passe le flambeau, mon pote Francky. Il va nous commenter ça. Je vais regarder ça. Non, mais moi je vais suivre. Jean-Luc, je vais le suivre. Allez le Dakar. Et puis allez à la chaîne de la radio. Comme ça, ça vite. Salut la famille. Et, Salut à tous. Allez, où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben oui.